du mouvement républicain du Québec pour sa persévérance. Et également pour les risques qu'il prend à inviter des personnalités qui sont jugées controversées par les médias de masse. Défendre aujourd'hui la souveraineté nationale, défendre le patriotisme, critiquer l'immigration massive, critiquer le régime identitaire du Canada, qui est le multiculturalisme, c'est aujourd'hui prendre des risques très grands pour la caste médiatique qui, comme on l'a vu, utilise des concepts comme par exemple l'extrême droite, voire même plus loin, fascisme, des concepts totalement exagérés, alors qu'en démocratie, normalement, nous pourrions faire des critiques sur le régime d'intégration des immigrants ou sur les quotas d'immigration de manière totalement saine et normale et démocratique. Sans se faire accuser d'être proche de mouvements totalitaires comme le fascisme ou le national-socialisme allemand. Tout ça vient d'une espèce de délire auquel on assiste actuellement. La raison pour laquelle j'ai fondé en compagnie de quelques camarades, de quelques collègues Horizon Québec Actuel, c'était justement pour ça, pour renouveler le nationalisme québécois qui, malheureusement, est souvent trop associé à une forme de rectitude politique. Comme si le mouvement souverainiste actuel était totalement sclérosé, engoncé dans la narration de l'adversaire. Pour sortir de cette narration, il faut faire un peu d'analyse politique. C'est ce que je me propose de faire avec vous aujourd'hui. Il faut bien comprendre que, à partir du moment où il y a eu la chute de l'Empire communiste en 1989, très rapidement, s'est mis en place une doctrine politique qui a été le mieux représentée par un intellectuel américain du nom de Francis Fukuyama. En 89, Francis Fukuyama, un politologue, annonçait la fin de l'histoire. Qu'est-ce que la fin de l'histoire, selon lui? C'était la mise en place d'une démocratie libérale sur à peu près l'ensemble de la planète. L'effondrement du bloc soviétique annonçait la démocratisation, notamment en Amérique latine, notamment en Afrique, et un peu partout dans le monde. Et comme si l'humanité avait abouti à la fin de l'histoire, l'histoire avec un grand H. Et que finalement, les démocraties libérales ne pourraient plus être remplacées par quelque chose de plus important ou d'un cadre politique meilleur pour l'humanité. Comme si nous étions arrivés à la fin de l'histoire et que cette fin de l'histoire-là menait également au dernier homme. Qu'est-ce que le dernier homme? Bien, c'est en fait nous tous qui sommes ici. C'est-à-dire des citoyens relativement aisés. Certes, il peut y avoir des différences de revenus entre chacun d'entre nous, mais globalement respectés par l'État, ayant des droits, des libertés, notamment la liberté de parole. Et finalement, ce modèle-là, le modèle finalement de la démocratie libérale, serait la fin absolue de tout modèle politique. Il ne pourrait pas être possible d'en trouver de meilleur. Quelques années plus tard, un autre intellectuel, lui aussi américain, donc vous avez peut-être déjà entendu le nom, Samuel Huntington théorisait un tout autre ordre mondial qui allait survenir, les ruines de la guerre froide, qu'il a nommé, et son cadre théorique, il l'a nommé le choc des civilisations. Face, en fait, à un Occident libéral, se trouvait devant lui non pas une tentative de démocratisation mondiale, mais bien d'autres blocs constitués culturellement, des blocs de solidarité, qui ne dépendait plus simplement de contextes idéologiques, comme c'était le cas, par exemple, durant la guerre froide, entre d'un côté le camp capitaliste, de l'autre les communistes et au centre les non-alignés. Huntington affirmait qu'il y avait, pour le 21e siècle, une réorganisation de l'ordre mondial selon des grandes civilisations, solidaires entre elles, principalement en raison de raisons religieuses, en fait, d'organisations ethniques, religieuses et culturelles. Et qu'il fallait donc considérer que l'Occident, libéral, démocratique, n'était pas une civilisation universelle, mais c'était une civilisation parmi les civilisations mondiales. Ces deux théoriciens-là ont élaboré leur thèse au début des années 90. Nous sommes maintenant 20 ans plus tard. Quel est le bilan à faire à la fois les théories sur la fin de l'histoire et sur le choc des civilisations? Mon analyse est à la fois double. C'est-à-dire qu'il est vrai que nous sommes face à une espèce d'impensée théorique sur la démocratie. Il est vrai que même lorsqu'on entend des gens critiquer la démocratie libérale, ils ont rarement une transformation radicale à lui apporter. Généralement, les critiques que l'on fait à la démocratie libérale, c'est qu'elle n'est pas adaptée aux démocraties. C'est qu'elle ne reconnaît pas assez l'individu dans tout ce qu'il a de particulier. D'ailleurs, d'où viennent toutes les demandes de reconnaissance des minorités, que ce soit les droits des minorités sexuelles, que ce soit les droits des minorités religieuses, que ce soit les droits même des minorités handicapées, peu importe, on peut aller à l'infini. L'ultime achoppement de la démocratie libérale se retrouve dans, finalement, des revendications identitaires qui sont de plus en plus marginales. Aujourd'hui, par exemple, le mariage homosexuel, c'est une revendication qui est conservatrice. Parce qu'on affirme déjà qu'il y a des gens possédant un genre, ayant une identité sexuelle affirmée. Et mon Dieu, tout ça est devenu extrêmement conservateur en très peu de temps. On l'a vu aujourd'hui, nous sommes dans la déconstruction totale de toute norme, sur la multiplication des épithètes. On parlait du combat pour les homosexuels dans les années 90. Maintenant, nous en sommes rendus à LGBT, Q, 2, Z, Y. On ne sait pas quand ça va s'arrêter. Cette espèce d'ultralibéralisme qui fait que tout lien social est complètement brisé, parfois, par une revendication de la liberté individuelle, fait en sorte que nous ne sommes plus capables de réfléchir le collectif. Nous ne sommes plus capables de réfléchir l'histoire, de réfléchir la société, de réfléchir la nation. La nation qui est pourtant le cœur de l'État. Sans nation, pas d'État. Face à cette société libérale ultra-individualiste qui revendique sans cesse des droits individuels de plus en plus poussés, se trouvent effectivement d'autres aires civilisationnelles qui, elles, sont en crise, mais d'une autre manière. Et nos sociétés libérales sont confrontées à quoi? À des demandes, notamment au Québec, des demandes d'accommodement. On peut juger raisonnable ou non, qui viennent de lobbies, qui ont des agendas politiques globaux, totalisants, sociaux. On peut penser, évidemment, à l'islam politique, qui instrumentalise les libertés, des régimes démocratiques libéraux pour jouer contre ces démocraties elles-mêmes. Et c'est toute l'ambiguïté des lobbies auxquels on assiste actuellement. Des lobbies provenant et financés par des régimes proches d'aires civilisationnelles différentes. On va voir qui ont une autre lecture du monde, du bon, du bien, du juste. Pour avoir voyagé au Proche-Orient et au Maghreb, pour avoir parlé avec des dizaines de personnes, je peux vous assurer qu'au Proche-Orient, la charia, la loi islamique, est vue systématiquement comme un référent positif. Pourquoi? Parce qu'elle protège la société civile de l'influence de l'État. Dans la société islamique traditionnelle, la loi, le fiqh, la jurisprudence islamique, sert de garantie contre la volonté toute-puissante du souverain et permet le maintien de l'ordre social. Personne au Proche-Orient va vous dire que l'islam est un problème. Ils vont vous dire que l'islam est mal appliqué. Ils vont faire des critiques sur le régime saoudien. Ils vont faire des critiques sur des interprétations particulières de la charia. Le wahhabisme, entre autres. Mais ce qu'il faut comprendre, et c'est là où peut-être que l'intuition d'Huntington n'était pas si mauvaise, l'Occident d'héritage chrétien, libéral, démocratique, est effectivement une civilisation parmi d'autres. Et penser qu'on va exporter ce modèle, comme on a voulu le faire et qu'on veut encore le faire, à partir des années 2000, ça remonte même avant, c'est une forme de folie. Il va falloir, je pense, pour la suite des choses, pour la suite de nos sociétés, accepter qu'il est vrai qu'il existe d'autres référents culturels qui ne seront pas nécessairement et qui n'évolueront pas nécessairement vers une démocratie libérale. Il va falloir l'accepter. 20 ans après la chute du mur de Berlin, il y a aujourd'hui un parti communiste tout-puissant en Chine qui produit et qui est devenu le plus grand pays capitaliste, qui produit à peu près tout ce qu'on consomme comme bien, comme matériaux. La Chine ne s'effondrera pas demain. Il n'y aura pas un régime démocratique qui va arriver bientôt. Et alors que nous, Occidentaux, sommes dans une dissolution absolue de tous nos repères fondamentaux, d'autres civilisations émergent. On peut parler de la Chine. On peut parler également du réveil de la Russie, avec un président qui a repris en main un discours et des actions à la fois nationalistes, qui a refusé l'ingérence américaine sur son sol, et qui est évidemment attaqué médiatiquement de manière très dure par les médias de masse. Ce qui m'amène à parler, en fait, du combat que l'on vit ici au Québec. Il y a une espèce de naïveté à croire, comme on essaie parfois de nous l'inculquer, que le clivage politique se joue entre une gauche et une droite. Or, quand on regarde bien, ce clivage gauche-droite apparaît de plus en plus périmé. Pourquoi? Parce qu'il est bouffé par cet individualisme, par cet ultralibéralisme. On a une droite néolibérale qui veut la fin de l'État, qui veut la fin de tous les programmes sociaux, qui s'attaque aux acquis syndicaux, qui n'est aucunement ancré dans une défense de la tradition, dans une défense des valeurs de la famille, mais qui est plutôt dans une utopie de l'individu auto-créé et qui souhaite non seulement en finir avec les programmes sociaux et, je dirais, le syndicalisme, mais qui souhaite également l'abolition de la souveraineté des États, qui souhaite inféoder l'État à des grands principes économiques internationaux. On peut penser aux accords de libre-échange, par exemple, qui font que des compagnies privées puissent poursuivre des États qui appliquent des normes environnementales ou qui font du protectionnisme économique. Cette droite néolibérale-là, évidemment antinationale, se retrouve main dans la main avec ce qui est censé être son adversaire politique, c'est-à-dire la gauche sociétale. Je fais une distinction entre la gauche sociale, celle qui défend les acquis sociaux, qui défend les travailleurs, qui est dans une lecture syndicaliste classique, et la gauche sociétale, qui, elle, ne défend pas les ouvriers, mais défend les minorités opprimées, ou soi-disant opprimées, par une majorité de la population. Cette gauche sociétale-là s'est retournée contre le peuple, qu'elle devrait défendre. Et si on veut appliquer ça politiquement, concrètement, dans notre vie politique, ça veut dire que des partis comme, par exemple, Québec solidaire, se retrouvent à n'être soutenus que par une petite classe de bourgeois bohèmes urbains alliés à ce qu'il y a de plus radical dans les milieux universitaires et, en gros, au monde communautaire montréalais. Mais ces gens-là n'ont pas d'appui ouvrier. Pourquoi? Parce que l'ouvrier québécois est leur ennemi sociologique. L'ouvrier québécois ne veut pas nécessairement subir l'immigration massive, ne pense pas que le multiculturalisme est nécessairement le meilleur modèle de société. L'ouvrier québécois veut conserver ses acquis sociaux, certes, mais il ne veut pas embarquer dans tous les délires de l'extrême-gauche sociétale, que ce soit sur les droits des LGBT, etc., sans faire de lui quelqu'un de nécessairement opposé au mariage homosexuel. Mais l'espèce de surenchère permanente dans la culpabilisation de la majorité historique, c'est lui que ça affecte, premièrement. Et ce qui fait qu'on a en face de nous une gauche qui est idéologiquement alliée de la droite néolibérale. Pour cette raison, la gauche, la droite, ça ne veut plus rien dire aujourd'hui. Le vrai clivage que l'on vit, ce n'est pas celui opposant la droite à la gauche. C'est celui opposant les patriotes aux mondialistes. Que sont les mondialistes? Eh bien, ce sont les gens qui veulent en finir avec l'État, notamment cette droite néolibérale, et cette gauche sociétale qui veut en finir avec la nation. Or, sans nation, pas de démocratie. Puisque qui est souverain, si ce n'est que le peuple en démocratie? Et comment avoir de souveraineté sans État? Les mondialistes, leur rêve absolu, c'est de voir la dissolution non seulement des structures étatiques pour permettre un libre marché, une libre circulation des biens et des personnes, mais c'est également la destruction de tout référent national qui fait qu'il y a une cohésion sociale. Ce qui m'amène à vous parler des trois grands défis qui attendent le Québec pour les prochaines années. C'est-à-dire, dans un premier temps, l'immigration massive que nous subissons. Je rappelle qu'en 1970, René Lévesque parlait de noyade pour qualifier l'immigration que nous recevions au Québec. Alors, à cette époque, nous recevions moins que 20 000 immigrants par année. Nous en sommes maintenant rendus à 58 000 et les libéraux parlent d'augmenter les quotas jusqu'à 61 000. Pourquoi? À quoi sert l'immigration massive? Comment se fait-il que le Parti libéral, Québec solidaire, le Conseil du patronat et toutes les chambres de commerce du Québec, ainsi que tous les médias, nous font de la propagande immigrationniste sans arrêt? Eh bien, c'est très simple. L'immigration massive comporte deux volets et a deux objectifs. Le premier, amener une main-d'œuvre à bas coût pour faire pression sur les salaires. En amenant des gens qui ont des revendications patronales beaucoup moindres que les natifs, cela permet finalement d'engager des gens qui auront non seulement moins de demandes au niveau salarial, mais également en conditions de travail. Et le grand patronat, qu'est-ce que cela lui permet? De réduire ses coûts salariaux pour permettre une plus grande spéculation financière. Ce n'est pas par bonté de cœur que, par exemple, Angela Merkel, en Allemagne, a accueilli 1 million d'immigrants dans son pays en un an, même plus d'un million, si on compte l'immigration légale. C'est à la demande du grand patronat allemand. Et c'est la même chose ici. Deuxièmement, en plus de la pression sur les salaires, l'immigration au Québec sert des objectifs politiques. On connaît les mœurs électorales de l'immigration, des immigrants au Québec. Bien sûr, il y a des exceptions. C'est évident. Plus les immigrants sont capables de s'intégrer à la société québécoise, même, je vais même aller plus loin, je vais utiliser un autre mot, de s'assimiler à la culture québécoise, plus ils vont prendre les mœurs électorales des Québécois. C'est-à-dire qu'ils pourront voter peut-être Parti québécois, pour la CAQ, que sais-je encore. Mais la réalité, c'est que les allophones, et c'est une réalité qui ne m'enchante pas, mais c'est un fait, à hauteur de 80% et plus, vote pour le Parti libéral. L'immigration massive sert donc à la fois au grand patronat pour faire pression sur les salaires et à la fois de bétail électoral pour une caste politique qui n'a en rien à cœur les intérêts du Québec et de la nation. Pour simplement se maintenir au pouvoir. C'est extrêmement cynique, hein, l'immigration. Je parlais, il y a quelques mois, avec un nationaliste ivoirien, de la Côte d'Ivoire, qui me disait, mais oui, pour vous, l'immigration, c'est un problème, parce que ça crée des désordres sociaux, vous n'avez pas l'économie pour intégrer les immigrants, vous ne savez pas exactement quoi en faire. Mais il dit, pour nous, c'est pire. Notre jeunesse fuit nos propres pays. Nos élites s'en vont. Pour aboutir où? Dans des bidonvilles européens. Ou pour servir de cheap labor en Amérique du Nord. Alors que ces pays-là, les pays du Sud, ont plus besoin que jamais de leur élite et de leur jeunesse éduquée. Or, l'Occident, en pratiquant ses politiques d'immigration massive, devient une civilisation vampire qui suce les forces vives des pays du Sud pour transformer ces forces vives-là, et non pas pour les faire devenir avocats, notaires, médecins, ingénieurs. Non, non. Pour laver les chiottes. Parce qu'en plus de cette immigration massive-là, de ce modèle, on rajoute la non-reconnaissance de diplômes, qui est voulue. Ce n'est pas un hasard si on ne reconnaît pas les diplômes des immigrants qu'on accueille ici. C'est pour qu'ils servent de main-d'œuvre à bas coût. L'immigration massive, catastrophe pour nous, incapable d'intégrer économiquement des immigrants, incapable d'intégrer culturellement les immigrants, catastrophe pour les pays du Sud. Et suite à l'immigration massive, en continuité, si je puis dire, de l'immigration massive, il y a la doctrine officielle de l'État canadien, qui est le multiculturalisme. Or, qu'est-ce que le multiculturalisme? C'est une arme politique, évidemment, contre le Québec. Puisqu'en disant « le Canada est multiculturel », on fait croire que les communautés pakistanaises de Toronto ou que les communautés chinoises de Vancouver sont sur un même pied d'égalité que la majorité francophone au Québec. Et donc, toute revendication nationale québécoise est délégitimée en raison de cette politique identitaire officielle qu'est le multiculturalisme canadien. Toutes nos revendications nationales, qui ne sont pas des revendications communautaires, les Québécois se sont toujours perçus, peut-être à tort, mais c'est comme ça qu'ils se sont perçus, les Québécois, et évidemment ce que nous étions avant 1960, c'est-à-dire des Canadiens français, comme un des peuples fondateurs du Canada. Tout ça a été balayé avec le multiculturalisme canadien, notamment par l'adoption de la Charte des droits et libertés qui a engoncé le multiculturalisme à l'intérieur de la Constitution canadienne. Ça, c'est le premier aspect du multiculturalisme. Le deuxième, c'est qu'en fait, le multiculturalisme est le réel racisme institutionnalisé. Puisque quel message envoyons-nous aux immigrants et aux nouveaux arrivants qui viennent au Québec? Ne vous assimilez pas. Vous pourrez vivre à Montréal, à Québec, à Trois-Rivières, à Sherbrooke, comme vous viviez à Islamabad. Ne changez rien. Aujourd'hui, critiquer le voile est vu comme du racisme ou de l'islamophobie. Ce n'était pas le cas il y a 20 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a une normalisation des mœurs islamiques. Et ils nous refont le même coup avec le niqab, le voile intégral. Ils nous disent « ça n'arrivera jamais ». Vous vous inquiétez, c'est un faux débat. Bon, évidemment, 2 mois plus tard, quand on se rend compte qu'il y a une garderie où il y a effectivement des femmes en niqab, ils disent « oui, mais c'est normal ». On passe du « ça n'arrivera jamais » à « il faut absolument l'accepter ». Et c'est là toute l'hypocrisie de la gauche multiculturaliste. C'est la même chose pour l'anglais. Il n'y a pas d'anglicisation, pardon. Et puis quand on se rend compte qu'effectivement, ce sont les dead obese qui ouvre les francopholies, on se dit, oui, mais il y a quand même un problème. Ah non, il faut l'accepter. Il n'y a pas de problème, et puis quand on montre le problème, c'est normal. Il va falloir se brancher. Soit il y a islamisation, il y a anglicisation, et le multiculturalisme pose problème, ou en tout cas existe, et alors là, on peut avoir une position claire, l'assumer, l'accepter. Oui, le Québec va s'islamiser. Oui, le Québec va s'angliciser. Mais on ne peut pas dire les deux. On ne peut pas dire « ça n'arrivera jamais » et puis quand ça arrive, nous dire que c'est normal. Il va falloir que la gauche multiculturaliste accepte le réel. Et c'est pour ça que je suis notamment ici parmi vous aujourd'hui. Parce que je pense qu'il va falloir faire un renouvellement de notre discours nationaliste. Il va falloir sortir du spectre et du discours de l'adversaire. Il va falloir arrêter de penser que nous serons un jour respectables à leurs yeux. Nous ne le serons jamais. Quand Radio-Canada nous dénonce, c'est parce qu'on fait notre travail. Il va falloir sortir de la narration de l'adversaire. Le critère du politique, c'est la dissension, c'est le conflit. S'il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de politique. Si nous sommes tous d'accord, si je suis d'accord avec Philippe Couillard, d'accord avec Trudeau, d'accord avec Amir Kadir, d'accord avec François Legault, d'accord avec Jean-François Lisée, il n'y a pas de politique, puisque nous sommes tous dans une espèce de totalitarisme de la pensée. Le conflit est à la base du politique. Il va falloir assumer qu'il y a conflit. Et ce n'est pas de la vulgaire chicane comme on essaie de nous faire croire. On a cette tendance au Québec à vouloir refuser le conflit. En lui disant, oui, mais ce sont des débats qui divisent. Chut, n'en parlons pas. Ben oui, c'est ça le politique, les amis. C'est le conflit. C'est de ne pas être d'accord. Si on ne peut pas raisonnablement parler de la réduction de l'immigration qu'on subit, si on ne peut pas dire qu'on est contre le modèle multiculturaliste canadien, parce que ça serait non respectable d'un point de vue moral, eh bien, c'est du délire totalitaire. Et c'est ça le problème avec les dogmes mondialistes, qui essaient de nous faire croire que nous ne sommes que des êtres économiques. Nous ne sommes que mus que par un simple besoin de consommer et de produire. L'homme serait remplaçable à souhait. On pourrait prendre un Nigérian, l'envoyer en Chine, prendre 100 000 Nigérians, les envoyer en Chine, et ça ne changerait rien. Ce ne serait que des hommes. Ces hommes ne seraient pas habités par une mémoire, habité par une histoire, habité par une culture, habité par des mœurs. Ce ne sont que des unités économiques. Et c'est ça le mondialisme. C'est la volonté de nous faire croire que nous ne sommes que des individus. Individus auto-créés, auto-générés. Et dès qu'on se met à parler du collectif, de la nation, de la langue, de la culture, de l'histoire, ils nous disent extrême droite, fascisme, national-socialisme. Or que tout ça est du délire. Je rappelle, quand même, pour que les gens aient une petite idée, il faut s'armer aussi intellectuellement quand on se fait traiter de fascisme. Je rappelle ce qu'est le fascisme. C'est une volonté totalitaire de fusionner l'individu, le parti unique, la société et l'État. C'est ça le fascisme. C'est pas dire « il faut réduire l'immigration ». Ça, c'est un débat démocratique, où je suis contre le principe multiculturaliste canadien. Je souhaite intégrer les immigrants à la société québécoise. Je souhaite, à terme, les assimiler culturellement. Et ça, je pense que la majorité des Québécois suivent les positions patriotes, en général. La majorité des Québécois, que veulent-ils? Après une génération d'immigrants, la seconde génération, ils se disent, mais qu'ils deviennent Québécois, qu'ils adoptent nos mœurs, qu'ils adoptent nos coutumes, qu'ils se fondent finalement à notre société, sans revendiquer sans arrêt leurs différences. Ce sont des demandes tout à fait légitimes. Ce sont des demandes tout à fait normales de la part d'un peuple. Et on sait que nous sommes un peuple exceptionnel. Pourquoi? Parce qu'on ne possède pas d'État souverain. Nous sommes dans une relation de fragilité sans cesse par rapport à l'histoire, par rapport à la question migratoire, par rapport à la question linguistique, par rapport à la question identitaire, de manière générale. Nous célébrons cette année, nous commémorons plutôt cette année le 50e anniversaire du décès de ce grand penseur du nationalisme québécois, canadien-français, qui était Lionel Groulx. Je vais terminer en vous citant une partie d'un discours qu'il a prononcé en 1936. Et c'est là où on voit que le Québec n'est pas né en 1960, comme les libéraux essaient de nous faire croire. Cette aspiration à être libre, ça fait plusieurs générations que nous l'avons. Et Lionel Groulx a été un éveilleur de conscience incroyable, reconnu par à peu près tous les acteurs de la Révolution tranquille. Et son texte va comme suit. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, notre État français, nous l'aurons. Nous l'aurons jeune, fort, rayonnant et beau, foyer spirituel, pôle dynamique pour toute l'Amérique française. Les snobs, les bonententistes, les défaitistes, peuvent nous crier tant qu'ils voudront. Vous êtes la dernière génération de Canadiens français. Je leur réponds avec toute la jeunesse, nous sommes la génération des vivants. Vous êtes la dernière génération des morts. Vive la patrie, vive le Québec, vive le Québec libre. Merci. Merci beaucoup, Alexandre. Donc, mesdames et messieurs, nous allons faire une pause de 15 ou 20 minutes. On sert du café ici gratuitement avec des biscuits. Sinon, il y a une cantine qui vous attend dehors à côté du bâtiment. Donc, on reprendra des conférences environ dans 15-20 minutes. Merci. Je vous rappelle que vous écoutez Radio Infocité sur la route. On s'excuse des petits problèmes techniques qu'on a eus au départ. Nous allons avoir notre ami François Saint-Louis qui va faire le tour et qui va prendre la peine de venir expliquer à nos diverses comparses à gauche et à droite c'est comment qu'ils se sentent. Je vous répète que nous sommes présentement sur place à notre au fameux colloque sur le Québec et son indépendance et les façons de voir l'indépendance. Et aussitôt que mes collègues me seront prêts à me dire que tout est OK, on va leur donner. On va essayer de baisser un peu le son parce que j'ai des rapports qui me disent que je J'ai fait une surpondulation un petit peu. Et c'est pas de leur faute, c'est de ma faute. Parce que je fais vraiment de l'écoute à distance. Voilà, le son doit être pas si mal. Donc, vous pouvez nous suivre également, bien sûr, en format audio sur YouTube actuellement. Donc, partagez les liens. La conférence qu'on... continue. Marine Le Pen, si t'es une féministe, ça devrait être ton idole, là, normalement. Mais comme ils sont rendus intersectionnels, là, ils sont en conflit sans intérêt. Et tu vois, un petit garçon de 8 ans, littéralement abusé, il fait des spectacles de drag queen dans des bars gays. Dans des bars, d'ailleurs. Dans des bars gays. C'est même pas légal. Ouais, c'est ça, exact. Okay? Mais ça, Léa Clermont-Dion, dans le fond, elle a dit « Je refuse de répondre », mais elle a répondu. Parce que ne pas répondre, c'est une réponse. Mm-hmm. Elle, d'après moi, elle cautionne. Parce que ça aurait été très facile pour elle de dire « Je compte ça ». Elle avait un bon cœur, elle a dit qu'elle était contre. Elle n'a pas rien dit. Pourquoi? Parce que si elle avait dit qu'elle était contre, elle a peur de se mettre à dos la communauté LGBT. Puis quand je dis communauté LGBT, je dis pas les LGBT. Je dis ceux qui pensent qu'ils représentent les LGBT, mais qui sont, dans le fond, une gang de personnes non élues qui vivent un délire total. Non, clairement. Parce qu'à la base, c'est des citoyens. Ils ne sont pas censés avoir de statut particulier. Moi, je suis persuadé que si tu fais un sondage, va-t'en dans le quartier gay à Montréal, fais un sondage et demande aux gens, si, les homosexuels, qu'ils soient hommes ou femmes, est-ce que vous êtes pour ça? Je suis persuadé à 95%, ils vont dire que ça n'a pas d'allure. Ouais, j'en doute même pas. En plus, ce qui me choque aussi par rapport à ça, c'est de nier justement la diversité au travers ces différents groupes créés de façon quasi artificielle. Donc, disons le groupe LGBT, qui représente à la fois les homosexuels, mâles, femmes, les travestis, les transgenres, et j'en passe et des meilleurs. Il y en a beaucoup. Alors il y en a beaucoup. Techniquement, ça devrait être. Monsieur, prenez le temps. Lesbienne et gay, that's it. Ouais, voilà. Je m'excuse, moi, j'ai jamais connu un bisexuel qui était oppressé. Les transgenres, c'est un phénomène trop nouveau. En plus. Eux autres, les transgenres, dans le fond, c'est. Comment je pourrais dire? Ils ont un problème d'identité et c'est au niveau de l'expression de leur identité qu'ils peuvent avoir des préjudices. Et ça, tu vois, je pense qu'ils gagnent du terrain et c'est une bonne chose. Mais à tout le moins pour être respecté dans l'espace public. Mais c'est les hommes homosexuels qui ont mangé 90% de l'oppression. Oh oui, clairement. Après ça, quand t'arrives queer, regarde, je m'excuse, t'as jamais subi d'oppression. Tout est IQ, 2+. Regarde, va-t'en chez vous. Va-t'en chez vous. T'as jamais vécu d'oppression. Jamais. J'invite d'ailleurs les gens à retourner voir certains groupes rock des années 80. Qui s'habillent en femme de toute façon dans leur spectacle. Ben, le glam rock, c'était ça, là, Twisted Sister en tête. Mais tu vois, comme moi, quand je suis né, l'homosexualité, c'était pas légal au Canada. Wow, okay? Incroyable. C'était pas légal, et Radio-Canada, à un moment donné, a fait un topo. Il y avait un homme, une femme homosexuelle, puis ils ont été ramassés par la police le lendemain. Il y avait beaucoup d'oppression. Et même après la légalisation, les policiers avaient beaucoup d'oppression, pas contre les lesbiennes, contre les hommes homosexuels. C'est eux qui se sont battus. C'est eux qui ont vécu de l'oppression. Fait que moi, quand je vois là-dessus, madame, bisexuel, queer, etc., moi, ça m'insulte profondément. Tout à fait. Surtout d'ailleurs que juste à côté du bâtiment, les gens, disons, faisant partie d'un groupe, disons, LGBT, ou en étant musulman et étant identifié à tout le moins dans l'espace public par des groupes de pression ou de lobbying, comme, disons, le groupe pour les musulmans, le groupe de Ligue de défense des Noirs, entre autres choses, c'est de nier la diversité politique ou d'opinion de ces gens-là, de toute façon. Donc, dans l'espace public, qui est censé être relativement neutre, où tout le monde est considéré égal et pouvant avoir les opinions qu'ils veulent, finalement, c'est comme si on leur niait jusqu'à un certain point. Mais ils marchent à l'envers, parce que leur prédécesseur, ce qu'ils voulaient, c'est être anonyme, être transparent, faire partie du groupe. Être considéré comme les autres. Oui, je veux pas que tu me loues pas un appartement parce que je suis homosexuel, je veux pas que tu me donnes pas la job parce que je suis homosexuel. Et là, maintenant, avec leur nouveau terme, comme « racisé », au lieu de dire « minorité visible », racisé », tu ramènes la race dans l'équation, tu chies sur tous les gens qui se sont battus avant toi. Ouais, et quand tu regardes, par exemple, je parlais de maintenant, elle est sur le CA des la Fédération des femmes du Québec, Ali Girouane-Namahoro, qui dit que un noir ne peut pas être raciste. Elle vient du Rwanda. Wow. Okay? Le génocide le plus important depuis la Deuxième Guerre mondiale, c'est au Rwanda. Aïe. Et elle est, et je crois qu'elle est une Hutu en plus. Et elle vient ici dire que les Blancs, vous êtes racistes, on vit dans un blanc-triarcat, on vit dans un patriarcat. Ouais. Les Noirs ne peuvent pas être racistes. Tu viens du Rwanda. Il y a eu 800 000 civils qui sont morts dans votre guerre. Incroyable. Je m'excuse, là, mais tu sais, tout le monde peut être raciste. Alors, ils essaient de créer, par exemple, OK, l'homme blanc, là, vous avez dominé assez longtemps, tassez-vous, les cisgenres, ceux qui s'identifient. Écoute, c'est un délire total. Uh-huh. Et tu vois, ce n'est pas démocratique. L'homme blanc n'a plus le droit de s'exprimer. Et honnêtement, là, ici, s'il y avait eu deux femmes, une femme noire, un musulman, peut-être qu'on n'aurait pas eu d'antifa pour fermer, alors que ça ne change rien. C'est un message qu'on lance. Et les messages n'ont pas de couleur, n'ont pas de sexe, n'ont pas... Donc, c'est pas parce qu'on a pas essayé de n'en avoir en passant. Ouais. Donc, il aurait fallu respecter certains quotas ce qui est complètement informels, ridicule. Non, ouais, parce qu'on est dans un pays, et ce qui a fait notre grandeur, c'est la performance. C'est justement parce qu'on a fermé les yeux sur la couleur, l'orientation sexuelle. Le capitaliste s'en fout de ta couleur, de ton orientation sexuelle. Et eux, ils veulent ramener ça dans l'équation. Donc, ils veulent prendre un modèle sur des pays qui ne performent pas, où il y a de la tyrannie, c'est ça leur modèle. Au lieu de prendre, par exemple, de regarder des pays qui performent, où ils ont des forts PIB, un bas chômage, beaucoup de justice sociale, ça, c'est les modèles à suivre. Et malheureusement, pour eux, ce sont des pays blancs. Je suis désolé, mais c'est ça. Mm-hmm. Oui, tout à fait. Pas parce que les blancs sont meilleurs. On est blancs parce qu'on vit où il fait froid. Oui, non, c'est ça, exactement. À la base, c'est juste. On s'est adapté à notre environnement, c'est tout. On n'est pas meilleur parce qu'on est blanc. On est meilleur parce qu'on a suivi des principes démocratiques. On aurait pu être n'importe quelle couleur, ça aurait fait la même chose. Là. Ça n'a rien à voir. OK. Alors. Non, mais je te laisse le mot de la fin quand même. Est-ce que tu veux dire quelque chose? C'est bon, on peut continuer encore quelques instants, tant que les invités vont faire tout à la place. Ah, bon, voilà, on a encore un petit peu de temps. Je voulais vous remercier pour commencer à toute l'équipe d'InfoCité. On peut continuer, on me dit, en arrière de toi. De participer au colloque, même si ce colloque a lieu dans une grange. Oui. Ben, c'est assez rustique, ça donne un style, je te dirais. Mais tu vois que les gens se sont déplacés et tu vois ce genre d'événement-là, peut-être pas avec 10 conférenciers, mais ça va se multiplier. Il faut en faire plus. Soit le fait que les gens essayent de nous fermer à gueule, ça, c'est comme s'ils me shootaient aux stéroïdes. Ouais, si vous avez des billets puis vous n'êtes pas déplacé pour une raison X, Y, parce que vous pensez qu'il ne faisait pas beau dehors, profitez-en, on est là jusqu'à 18h, le colloque, c'est ça? Ça va être plus que ça, parce que la manière que ça s'enligne, on va être en retard au coton. Oui, exactement. Ah bon, ben, c'est donc, ça. C'est loin d'être donc, fini. Donc, vous avez oublié, venez-vous-en. Il y a de la place, on a de la place pour au moins 3 fois quantité. Ah, absolument, il y a de la place pour 1000 personnes ici. Il n'y a pas des chaises pour 1000, mais il y a de la place en masse. Non, ben, les places debout, là, tu t'enlèveras 7$ sur le billet, c'est tout. Ah, et voilà. Et en passant, je voulais souligner le travail extraordinaire de la meute. Ouais. La meute, les gens qui en ont peur, c'est de la milice, c'est de l'extrême droite, etc. Non. Ils font un travail d'un professionnalisme exceptionnel. Non. Ils sont gentils, ils sont courtois. Absolument. Et merci de nous garder en sécurité. J'ai jasé avec plusieurs des gars de la meute, puis il y a des libéraux, puis des péquistes dans le gang. Okay. La meute, c'est un groupe de citoyens. Il y a toutes sortes de gens là-dedans. Et grâce à eux, il y a un colloque et les gens sont en sécurité. C'est bon. Tout à fait. On a pu le constater. Merci, merci infiniment. Ben, merci à toi, Stu. All right. Au plaisir. Voilà. Tu voulais rajouter quelque chose, François? C'est bon? C'est Alexandre. Non. Alexandre. Ah, ben voilà. Alexandre, peux-tu nous accorder une petite entrevue? Il ne te reste plus grand temps, apparemment. Avec, allons-y après toi, mon cher. Et voilà, c'est lui qui décide. La radio est chez lui, donc... Ben, Alexandre Cormier-Denis. Oui, bonjour. Bonjour. Aux auditeurs de Radio Info. Content de t'avoir parmi nous. Merci. Alors, tes impressions sur la journée? Ben, ma foi, c'est très sympathique. Oui, plein de gens aussi. Bien sympathiques. Oui, j'entends très bien. Oui, ma foi, je continue un peu sur la lignée de ce que disait André. Oui. La meute, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre, en fait. Moi et finalement, plus. C'est un service d'ordre tout à fait professionnel, très gentil. Oui, très professionnel. Très professionnel, très aimable. Donc, ma foi, je me sens plus protégé que dans un aéroport, je dois t'avouer. Ben oui, et il y a une très bonne ambiance. J'en discute. Absolument. Ben, c'est ce qu'il faut. On est là pour ça, justement. Le débat d'idées, ça ne nous fait pas peur à nous. Donc, certainement. Il faut y aller gaiement. Si je peux te lancer disons, le plan de ton intervention aujourd'hui. Oui. Moi, certains points qui m'ont beaucoup interpellé, disons. Bon, bien sûr, l'époque que nous vivons, le post-URSS, donc le capitalisme et le libéralisme triomphant qui change, disons, qui modifie en profondeur les sociétés occidentales, bien sûr, entre autres choses. Et là, bon, maintenant, les sociétés occidentales sont un petit peu, un petit peu, le mot est faible, dans une perte de repères, une perte de spiritualité aussi, très clairement. Et ce qui me choque par rapport à ça, ben, j'aimerais avoir ton point de vue un petit peu, disons, de l'international ou peut-être un point de vue historique, disons, et global de la situation par rapport à l'Occident en tant que tel. comment est-ce qu'on peut développer des clés de compréhension là, par rapport à ce que la civilisation, disons, moi, je te parle d'un point de vue civilisationnel, qu'est-ce qu'on vit en ce moment? Parce que on sait qu'on a comme atteint, avec l'Empire américain en premier lieu, mais un certain apogée, mm-hmm. donc le communisme s'écroulant comme ça. Donc, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Comment ça se fait que les États semblent se raidir un petit peu? On l'a vu avec Stu qui nous parlait de la liberté d'expression et les palmarès qui sont systématiquement, qui se dégradent systématiquement. Ouais. Donc, par rapport à ça, comment vois-tu la situation? Ben, écoute, je pense que d'une part, il y a eu une espèce de naïveté. Donc, de l'Occident suivant la fin de l'URSS, c'est-à-dire qu'effectivement, on pensait que la démocratie libérale allait finalement se répandre de manière naturelle partout dans le monde et que tout le monde, au final, toutes les sociétés aspirent à devenir un peu américaines. Oui, ça, on peut le constater, je crois, tous les jours. Et je pense que c'est une erreur. C'est-à-dire qu'on a vu, par exemple, les limites de cette pensée-là en 2003, quand il y a eu l'invasion de l'Irak, notamment. Oui, tout à fait. Très bon point que tu amènes. Les sociétés ne veulent pas nécessairement devenir américaines, ne veulent pas nécessairement s'occidentaliser, veulent plutôt créer leur propre modèle tout en bénéficiant des avancées technologiques. Et c'est un peu ça, l'angle mort, en général, des théoriciens libéraux. C'est que ce sont des gens qui pensent que parce qu'on consomme des iPhones, on devient occidental. Or, on peut très bien avoir un iPhone entre ses mains pour filmer une décapitation de l'État islamique. On peut très bien être un ultranationaliste chinois et manger du McDonald's, à la limite. Hein? Ouais. Donc, il y a, je pense, une espèce de naïveté. Et, il y avait plusieurs questions dans ce que tu m'as posé. Oui, en effet. Ouais. Sur l'espèce de raidissement occidental, je pense que, premièrement, les populations occidentales ne sont pas dupes. Enfin, elles sont partiellement dupes seulement des espèces de la grande utopie mondialiste. Hein? Mm-hmm. C'est une espèce d'utopie en essayant de nous faire croire que on va recréer à l'échelle d'une nation l'ensemble du monde. On va réunir l'ensemble du monde dans une seule et même place, un seul et même endroit. C'est ça le multiculturalisme. C'est l'effet de l'immigration massive et ça détruit le lien social. Et on s'en rend compte de plus en plus et c'est contesté de la part d'une population qui voit ses conditions de vie, je pense, à l'Europe, mais également aux États-Unis, qui voit ses conditions de vie se dégrader. La mondialisation aussi néolibérale, ce n'est pas seulement l'immigration massive, c'est aussi la délocalisation. C'est-à-dire que ouvriers qui finalement ont perdu leur emploi, on l'a vu par exemple dans le milieu manufacturier et textile au Québec, ça a complètement tout à fait. Été depuis perdu. Depuis 2004, si je ne me trompe pas, exact. Que les douanes sont tombées officiellement. Et, et ça a des effets concrets sur une grande partie des classes moyennes, je dirais inférieures. Ouais. Et ce sont ces gens-là qui le plus contestent la mondialisation. Mm-hmm. En tout cas, telle qu'elle est vécue actuellement et qui finalement sont dans une espèce de perte de repère généralisée et souhaitent retrouver d'abord une fierté nationale, ensuite une protection de l'État et dans un troisième temps, retrouver un peu un sens à une existence qui n'est pas simplement celle d'être un consommateur. Oui. Et c'est un peu ça, le point mort du libéralisme actuellement, c'est qu'on transforme les individus occidentaux, les occidentaux en général, les habitants, comme même plus comme des producteurs, parce que finalement, on produit plus grand-chose, à part de la propagande. Plutôt dans les services. Exactement, le tertiaire. Tout à fait. Et on ne fait que consommer. Et je pense que ça crée une forme de crise civilisationnelle. D'accord. Qui est comblée, en tout cas qui tente d'être comblée par cette gauche multiculturaliste qui nous promet une espèce d'utopie sociale. Hein. On le voit en Europe, même c'est la même chose ici, il y a une espèce de pulsion de mort qui s'installe en Occident. Chez une partie de l'élite. C'est-à-dire qu'on croit que le peuple, les peuples occidentaux, notamment, on peut parler au Québec, c'est la même chose, le peuple canadien français, Radio Infocité présente les nouvelles internationales présentées par Radio Vatican International, Radio Vatican sur Radio Infocité. Et à terme, il doit être remplacé. C'est-à-dire qu'à terme, il va falloir faire de la place pour régénérer cette espèce d'Occident décadent en amenant une population. Je vous invite à l'émission En 60 minutes, tous les lundis de 20h à 21h. Ce qui va permettre, j'aurai pour vous des invités qui sauront vous informer. Laver, c'est un rendez-vous. Pêcher, historique. Parce que dans le fond, nous sommes blancs, chrétiens. Tous les lundis, 20h. Radio à la fois de la colonisation en Amérique, donc coupable de la fois coupable de l'Holocauste, de la Shoah, de la destruction. Et cette triple culpabilité-là fait en sorte. Avis de non-responsabilité. Alors que. Les prévisions et opinions émises sur radioinfocité.com par les présentateurs, animateurs et auteurs reflètent celles de ces derniers et leur contenu n'est pas nécessairement endossé et ne doit pas être interprété comme étant les opinions de la direction de radioinfocité.com. Ah oui, ça, c'est un autre. En Afrique aussi, il y a énormément de conflits ethniques, de toute façon, et ce, depuis des centaines d'années. Oui, tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, c'est un grand impensé, hein. Donne-moi des enfants au Québec. Terre, mère, je vais coucher avec ton nounours doré. Je t'aime Québec, j'aime ton père Québec. Je vais marcher sur la lune, marcher sur ta lune. C'est pas nécessaire. J'y pense avant la création même de la jeunesse. Je t'aime en crème de menthe. Persécution incroyable des chrétiens et à la fois l'Occident pour un peu, je dirais, combler et ils se sont plus attachés à l'État, ils se sont plus capables de faire front commun pour défendre leur intérêt. Et je pense qu'à terme, je t'aime Québec, je t'aime bien Québec, j'ai marché sur ta lune, c'est froid, c'est sérieux. Donne-moi des enfants au Québec, terre-mère, je vais coucher avec ton nounours doré. Je t'aime Québec, je t'aime bien Québec, j'ai marché sur ta lune, c'est froid, c'est sérieux. Et je pense qu'à terme, ça peut mener dans des catastrophes assez grandes. Je pense que des réactions populaires face à cette volonté de faire disparaître les majorités de l'État, ça peut se retourner contre le peuple en général et même contre la paix sociale. En effet, c'est une gauche, qui n'existe plus. Hein, sinon, malheureusement. C'est une femme de gauche qui, justement, défendait l'enracinement chrétien. C'est un des deuils que je dois faire personnellement, malheureusement, dans notre situation. Oui, et c'est là, c'est ce qui est complexe. Hein, parce que finalement, on se rend compte que c'est pas nous qui décidons exactement qu'est-ce que devient la gauche et la droite. Moi, pendant des années, je viens d'un milieu plutôt... traditionnellement souverainiste, donc d'accord. Plutôt social-démocrate. Quoi. Oui, c'est toujours, ça, exact. C'est toujours considéré à gauche. Et finalement, je me rends compte aujourd'hui que je n'ai plus rien à voir avec la gauche telle qu'elle se définit aujourd'hui. C'est-à-dire que, bon, les milices anarcho-bolchéviques qui dénoncent, par exemple, le colloque dans lequel on est, je trouve ça totalement délirant. Et en plus, comme je le disais, cette espèce de gauche sociétale, elle ne défend pas les intérêts de la majorité. Elle défend les intérêts de la minorité. Pourquoi? Parce que, finalement, le Canadien français, l'ouvrier de base, s'est bien rendu compte qu'il ne voulait pas la révolution communiste. Ouais, et il voilà. Y a une forme de déception par rapport au peuple. Et l'immigrant devient le prolétariat de substitution. C'est pour ça qu'il y a des grandes connivences entre l'islam politique et la gauche. C'est qu'au fond... l'islam politique est vu comme une contestation de l'ordre bourgeois capitaliste. Et c'est pour ça que la gauche s'allie à l'islam radical, ou en tout cas défend ou protège, couvre l'islam radical, parce que ça correspond à son champ idéologique. À partir du moment où il y a une contestation, par exemple, des États-Unis ou d'Israël ou de l'ordre occidental en général, elle pense trouver dans les militants islamistes une armée de réserve pour une révolution future et déstabiliser le monde actuel. C'est pour ça qu'il y a, des points de passage entre une idéologie extrêmement rétrograde, qui est l'islam politique, même pas seulement rétrograde, là, c'est pire que rétrograde, c'est réactionnaire, et une gauche qui se dit progressiste. Une analyse très intéressante, Alexandre Cormier-Denis. J'aimerais d'ailleurs, si un jour tu es disponible, qu'on puisse en parler plus longuement. Bien certainement. Parce que, bien sûr, ça nous prendrait beaucoup plus de temps. Mais bon, on peut le constater, là, chers auditeurs, sur le plan politique, social, économique, les lignes bougent énormément et, à mon avis, quasiment de plus en plus vite, de façon quasi exponentielle. Écoute, Alexandre, je te laisse le mot de la fin. S'il y a une note sur laquelle tu veux terminer, quelque chose que tu crois important de dire aux auditeurs aujourd'hui. Oui, alors, moi, je pense que ce qui est très important, c'est de libérer la parole. D'accord. C'est-à-dire qu'on est pris dans le schème radio-canadien. Mm-hmm. On s'est fait enfermer, nous, les souverainistes, les patriotes, les nationalistes, à l'intérieur de, cette espèce de penser là, de politiquement correct. Et il va falloir en sortir pour affronter les sujets de fond. Et évidemment, ça ne fera pas plaisir à l'establishment qui est en place. Mais ça, les souverainistes, de toute manière, à partir du moment où on est souverainiste, on est attaqué. Donc, il faut l'assumer. Il faut assumer qu'on n'est pas respectable d'un point de vue institutionnel, mondialiste et des médias de masse libéraux. Donc, c'est pour ça que je prône une espèce de décomplexion de la parole. Il faut aborder les sujets qui fâchent. Et c'est le cœur du politique. En effet. Le cœur du politique, c'est le conflit. Donc, c'est normal d'être en conflit avec nos adversaires. Il ne faut pas en avoir peur. Tout à fait. Je terminerai en te remerciant, Alexandre Cormier-Denis, et je finirai sur cette phrase, dont je ne sais plus de qui elle est, mais qui dit ceci. Le politique, c'est la guerre civile civilisée. Voilà. Et voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au plaisir. Merci. C'était Alexandre Cormier-Denis avec notre ami Antoine qui, bien sûr, va se faire un plaisir de venir vous reparler un autre moment donné. Hein. Et comme il l'a dit, bien, il va finalement nous offrir notre prestation avec les divers sujets qu'Alexandre et Antoine ont en commun. Voilà. Bon, moi, je ne ferai pas d'autre pause parce que dans quelques instants, les gens de chez du colloque ici vont revenir à l'assaut qui vont vous présenter, bien sûr, tout ce qui se passe ici. Et j'espère que jusqu'à date, à partir de maintenant, l'audition, à l'exception de tantôt la petite musique qui est partie, c'était l'automatisme, si on s'en excuse, puisque nous ne sommes pas dans les studios de Radio Infocité. Actuellement, on est actuellement sur la place, en plein milieu, comme notre ami André Stupide lui a dit, on est dans une grange. Mais c'est plaisant, regarde, ça a l'avantage d'avoir pas trop grand, on n'a pas de son de salle, donc ça fait un super beau son. Et ça vous permet d'avoir la meilleure écoute. Je fais une petite pause qui va couper pour quelques secondes. Et ouais, c'est ça. Aussitôt qu'on nous dit qu'ils sont prêts à l'avant, on leur redonne la ligne, c'est-à-dire qu'on va tout de suite s'en aller. Sur l'entrée. Voilà. Entrée, c'est ce qui se passe sur le pavé qu'on appelle ça. Et On va essayer d'ajuster le son au fur et à mesure. Lorsque on nous dira pas le, on nous dira le go. Voilà, c'est fait. Donc, vous écoutez. OK, mesdames et messieurs, est-ce que tout le monde est prêt? Est-ce que tout le monde m'entend dehors, s'il vous plaît? Donc, nous allons recommencer nos conférences, sinon, ben, on risque de... Est-ce que vous avez apporté vos sacs de couchage? On va faire du camping, il y a de la place pour tout le monde. Donc, s'il vous plaît, si vous pouviez... On vous a pas oublié, on vous a pas oublié. Nous sommes toujours en attente de voir les gens de l'organisation qui sont après terminés de ramener tout le monde dans la grande salle parce que, vous savez, la sécurité ici est très, très, très élevée. Et ne vous inquiétez pas, si vous avez des billets que vous aviez hésité, pour une raison X ou Y, ne vous inquiétez point, la sécurité est excellente ici. Et on se gêne pas pour vous dire de venir nous rejoindre. Bon, mesdames et messieurs, nous allons maintenant reprendre le cours de nos conférences. Mais avant cela, j'aimerais dire que... Excusez, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, je demande votre attention. Parce que quelqu'un ici a perdu un porte-clés de voiture noire. Qui a? Tiens. Bon, nous allons reprendre nos conférences. Nous allons recevoir trois autres conférenciers et après, ben, on ne sait pas trop l'heure parce que c'est sûr qu'il y a eu un décalage dans l'horaire, ce qui est tout à fait normal, surtout avec le contenu que chaque conférencier a à dire. C'est sûr qu'on pourrait prendre une semaine complète, puis je pense que ce ne serait pas assez. On a énormément de choses à se dire. Je devrais me trouver un 2-3 minutes aussi pour reparler du mouvement républicain du Québec. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Mais ça, j'y reviendrai après l'heure du dîner. Là, on va plutôt passer, on va continuer nos conférences. On a trois personnes qui vont prendre la parole. Après, ce sera l'heure du dîner. On prendra une heure pour manger. Donc, on va recevoir ceux qui ont commandé des boîtes à lunch. Ça, c'est toujours, même si on a changé d'endroit du collège de Maisonneuve à ici, On a continué dans la même lignée, c'est qu'on a fait affaire avec un nouveau traiteur. Les boîtes à lunch vont nous être livrées vers 12h30 à peu près. Donc ça, il n'y a aucun problème. Il y a peut-être des personnes parmi vous qui ont apporté leur propre lunch. Sinon, ben écoutez, on a un camion bouffe qui a accepté notre invitation, qui s'est installé juste à côté du bâtiment. Ils font de la super bonne bouffe, des bons hamburgers de qualité, des hot dogs de qualité, vraiment. C'est pas du fast-food ordinaire. Donc, vous pourrez manger à votre faim. On se donnera une heure pour manger. Après ça, on va reprendre des conférences si on veut être capable de passer à travers la journée. Donc, nous allons recommencer. Nous recevons maintenant Stéphane Blais, président cofondateur de Canstar Fusion et Acquisition Incorporée et associé fondateur de Blais CPA Incorporée, firme de comptables professionnels agréés. Stéphane Blais est un professionnel profondément engagé dans le milieu des affaires, les milieux sociaux et de l'action politique. Fondateur du mouvement Intégrité Québec, Stéphane est d'abord et avant tout un homme de valeur et d'action qui croit qu'on peut bâtir une société meilleure et faire de meilleures affaires si on met toujours de l'avant les valeurs liées à l'éthique, ce qui manque énormément de nos jours au sein de la politique et de plusieurs organisations dans la société. Ce n'est pas un hasard si chez Canstar Fusion et Acquisition, les quatre piliers de la réussite se fondent sur l'intégrité, la collaboration, la compétence et la passion. Conjoint de fait et père de quatre enfants, Stéphane a un fort sens de la famille et comme dans une famille, il a toujours eu comme désir constant de voir tous les intervenants sur une transaction y trouver leur compte, leur bonheur. Fervent partisan de la formule gagnant-gagnant. La transparence totale, l'altruisme, l'intégrité et le courage sont des sujets de prédilection. Vous voulez susciter une envolée passionnée, aborder un des sujets de prédilection. Comptant 13 années d'expérience en fusion et acquisition d'entreprises et ayant travaillé pour des cabinets d'envergure internationale avant de se lancer en affaires en 2003, il considère la fusion et acquisition comme son art premier. Sa force est de connaître la psychologie des intervenants et de mettre tout le monde en synergie afin d'obtenir le deal, la vente. Stéphane Blais est membre de l'Ordre des comptables professionnels agréés, détient une licence en sciences comptables et un baccalauréat en sciences politiques de l'Université Laval. Il a également étudié au Corpus Christi College à Perth, en Australie. Stéphane donc donne également des conférences sur l'éthique, la transparence et les finances publiques. Donc, nous accueillons M. Stéphane Blais. Pas sûr que c'est le bon gars qui est ici. OK. Prends mon timer. OK? Puis je vais mettre 25 minutes parce que c'est ça qu'on est censé avoir comme temps pour parler. Une petite pointe à mes confrères ici présents qui aiment bien parler. L'avantage d'être comptable, c'est qu'on aime ça, pas perdre de temps, puis on va straight to the point. Si ça dure 12 minutes, ça durera 12 minutes. Mais ça se peut que ça dure une vingtaine de minutes. Fait que je paye ce petit piton. Excellent. Premièrement, j'aimerais ça remercier des gens qui me sont chers et des gens avec qui je collabore. Ben, c'est sûr que M. Bouliane, merci d'avoir créé votre mouvement et merci d'avoir créé ce colloque. Donc, c'est une première, puis il ne faut pas que ce soit une dernière. Donc, alors, félicitations. Il y a une personne ici que j'adore, Sophie Robichaud. Je l'adore. OK? Ouais. Sophie, aussitôt, En passant, Sophie, c'est notre nouvelle présidente du mouvement Intégrité Québec. J'en suis le vice-président par intérim. Ça va être quelqu'un, ça, mes amis. Oui. Alors, Sophie s'est offert d'emblée, tout de suite, aussitôt qu'on a eu la nouvelle, qu'on ne pouvait pas, que le directeur du Collège Maisonneuve, suite à son petit pipi dans son froc, Sophie s'est proposée tout de suite. Et puis, aujourd'hui, on a une belle rencontre, tous ensemble, des frères et sœurs, dans un superbe domaine champêtre. C'est merveilleux. Merci, Sophie. Je remercie M. Noël de nous prêter son équipement qui a coûté 2000$. Là, puis il a dit, bien, on va vous prêter ça. Quand vous voulez faire des conférences, c'est gratuit. C'est le Parti Unité Nationale qui a acheté ça, mais c'est fourni gratuitement pour ceux qui vont faire des conférences du genre. Donc, merci. J'aimerais ça remercier Francine, la conjointe de Guy, qui n'a pas été remerciée, puis avec qui j'ai travaillé à faire de l'ouvrage. Félicitations, Francine. Hey! Vous savez que Dorimène Desjardins, on l'oublie, hein, c'était la femme d'Alphonse, ben, jamais été citée. Ben, Dorimène, elle faisait pas mal tout l'ouvrage pendant qu'Alphonse était parti à Toronto. OK? Fait que c'est la même chose pour Francine. Elle en a fait de l'ouvrage, puis on s'est parlé au téléphone, on a trouvé le food truck. En tout cas, bref, on a fait plein de choses. Puis merci, puis ça va être le fun. J'ai hâte au saut que c'est fini, le colloque, on peut manger ensemble puis échanger. C'est ça qui est l'important. OK. Puis merci à ma fille puis sa gang de filmer ça puis de prendre le son. Ça va être un beau moment, je pense. Et n'hésitez pas, s'il vous plaît, n'hésitez pas à faire circuler ça sur l'Internet parce que ça va être un beau point d'ancrage. Et n'oubliez pas quelque chose. Oui, il y a un colloque aujourd'hui, mais puis là, je vais m'adresser aux conférenciers. Okay. Souvent, quand on est conférencier, c'est qu'on est fort sur des domaines, mais on peut avoir un genre de petit égo qui devient de plus en plus gros. Là, les hosties d'égo, il faudra qu'on mette ça de côté et qu'on travaille tout le monde en équipe. C'est clair? Yes? Yes, sir. Faut se tenir les coudes! Faut se tenir les coudes. Et tous ceux qui sont ici, bien, vous êtes dans l'action, les amis. Vous êtes ici, vous êtes pas juste des keyboard warriors qui veulent changer le monde puis qui donnent des recommandations. Vous êtes présents et vous avez même fait face à l'adversité. Puisqu'il y avait quand même des risques, et Sophie pourra vous en parler, des risques. OK? C'est une femme qui est courageuse, Sophie. C'est pour ça qu'elle est présidente du mouvement Intégrité Québec. OK? Bon. Là, je vais essayer de pas trop buster. Je vais essayer de faire ça vite. J'espère que vous allez... Bref, que vous allez apprendre des choses et que ça va vous faire prendre conscience dans quel système on est. OK. Alors moi, c'est sûr que c'est un rassemblement de citoyens. Il y a des gens qui sont patriotes. Patriotes, on peut définir ça comme on veut. Moi, je me considère comme un patriote. Mais j'ai toujours souhaité, dans mon cœur, que le Canada fonctionne. Et aujourd'hui, je viens vous faire un constat. Vous savez, quand tu es président d'une compagnie qui s'appelle CanStar, Fusion Acquisition, Canadian Star, c'est dur de dire que tu es « Hey, Chris, man, moi, je suis Québec all the way. Hein? » Oui, je suis Québec all the way, mais j'aurais aimé ça que ça fonctionne dans le Canada, puis je vais vous expliquer pourquoi, à mon avis, un peu comme un consultant, pourquoi, à mon avis, que ça ne peut pas fonctionner, malheureusement. Alors, je vais commencer mon introduction par... J'ai improvisé un petit peu, là, mais je vais y aller tout de suite avec mon préambule. Dans le fond... Le pouvoir, là, c'est pas l'État qui le détient, c'est vous autres. OK? Naturellement, là, un être humain détient son pouvoir, OK? Puis, il le lègue par en haut à des instances qu'on appelle l'État. OK? Alors, pour moi, un citoyen, OK, c'est un homme et une femme, ou une femme, ou plusieurs genres, en tout cas, bref. C'est très mêlant, hein? J'étais pas capable de suivre là-dessus. Oui, un être humain. Ça, c'est-tu correct, un être humain? Hein? Oui, c'est ça. Okay. Tant qu'on est des êtres humains, c'est correct. Oh là là! OK, on ira pas là, on ira pas là. OK, alors, un homme, une femme, ou un transgenre, ou un humain, OK, de toute origine, c'est filmé, OK, qui a le droit à la vie, à la liberté, mais qui a aussi le devoir, lorsque c'est jugé important, de voter par référendum sur des enjeux sociaux, politiques, économiques, afin d'améliorer le bien commun. OK, c'est à nous, ciboires, de déterminer qu'est-ce qui est le bien commun. Ce n'est pas à la classe politique carriériste. C'est à vous autres. Comprenez-le. Comprenez-le, c'est très, très important, ça. À partir de ça, c'est sûr qu'on est minoritaire présentement, mais ça va faire son œuvre, puis à un moment donné, on va se serrer les coudes. Et, oups, une fois qu'on se mobilise pacifiquement, on peut bloquer un gouvernement corrompu comme on a présentement à Québec et à Ottawa. OK? Donc, je vais vous parler un petit peu de concept de responsabilité individuelle, parce que c'est sûr que j'entends souvent, « Ah, le gouvernement, oui, le gouvernement. » Il faut se transformer dans la vie en leader personnel. C'est quoi un leader personnel? C'est pas quelqu'un qui dit « Hey man, c'est ça que tu vas faire, OK, parce que je suis ton boss de bécasse. » C'est pas ça. Hein? Un leader, c'est que tu assumes, OK, que tu es responsable de tout ce qui t'entoure. Tu en prends pleinement la responsabilité. Même si c'est l'autre à côté qui l'a fait, ciboire, prends-en la responsabilité, puis on se prend en main, mais on se dit, si tu as fait ça, mon homme, ben moi, je vais réparer le pot cassé, puis on jeter à l'œil. Okay? Donc, c'est ça la responsabilité individuelle. Au lieu de jeter le dévolu sur celui qui est à côté de toi, assume les conséquences, puis si on fait tout ça ensemble, ben à un moment donné, vous allez voir qu'on va avoir le vrai pouvoir. C'est ce que je pense. Je vais vous nommer les sept qualités d'un grand leader. Moi, il y a un gars qui m'a marqué dans la vie, il s'appelle Anthony Robbins. J'avais l'âge, j'avais 17 ans, c'était en 18 ans. Donc, je revenais d'Australie, là, j'ai fait un beau petit voyage là-bas, j'étais à l'école là-bas, ben, bon, c'était bien le fun, mais je suis revenu. Puis là, à un moment donné, j'ai écouté Robert Guy Scully, qui invitait des gens qui venaient pas du Québec. Ça n'arrivait jamais, là, en 1988. On voyait juste tout le temps le même monde. On le voit encore, pas mal toujours le même monde à la télévision, mais à cette époque-là, c'était quelque chose d'extraordinaire. Alors, Anthony Robbins, il a marqué ma vie, moi, parce qu'il dit, dans la vie, un vrai leader, ça a cette qualité, puis je vais vous les nommer. Okay? Et à partir de ça, moi, depuis l'âge de 18 ans, je fais toujours mon checklist avec 7 points. Ça ne sert à rien de lire tout le livre et d'essayer de le comprendre. 7 points, j'applique ça, puis ça fonctionne. Okay? Puis si je vous en parle, c'est que collectivement, il faut l'appliquer dans notre vie collective aussi. On a une vie individuelle, on a une vie de famille, on a une vie de travail, mais si bon, on a une vie collective, oubliez-le pas! Okay? Donc, la passion. OK? Dans la vie, là, un vrai leader, ça a une passion. Si vous êtes ici, c'est parce que vous avez une passion de votre société. OK? C'est déjà très, très bien. Le leader a des convictions profondes. Je suis certain que ceux qui sont ici ont des convictions profondes. Ils ont la passion, puis ils ont les convictions profondes. La clarté des valeurs. C'est quoi vos valeurs? Vous n'êtes certainement pas une gang de crosseurs comme on a au gouvernement. OK? Donc, vous avez des valeurs, puis vous êtes ici aujourd'hui parce que vous avez des valeurs qui sont claires. OK? Et le leader doit être quand même en mesure de se communiquer clairement à lui ce qu'il veut pour bien le communiquer aux autres. Donc, la clarté de la communication, c'est une autre qualité du leader individuel que vous pouvez être ou que vous êtes déjà. Le networking, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Le networking, c'est la facilité de se lier aux autres. OK? Donc, ici, aujourd'hui, si vous écoutez le discours puis vous sacrez votre camp chez vous, essayez de créer des liens parce qu'il faut se tenir. Il faut se tenir, il faut échanger. Donc, le networking, c'est une clé du succès. Il faut être stratégique aussi. Vous savez, si on n'a aucune stratégie, si on n'a aucun plan de match, on fait juste virer en rond. Donc, on est ici, il va y avoir il y a eu d'excellents discours, puis il y a d'excellents discours à venir. Mais à partir de ça, il faut appliquer des solutions, il faut être stratégique dans notre façon de les appliquer pour justement, à un moment donné, récupérer notre pouvoir. Et la dernière qualité du leader, c'est d'être dans l'action. Okay? Vous êtes dans l'action, vous êtes ici, vous êtes dans l'action, puis je vous félicite encore. Alors, à partir de ça, le préambule étant établi, je vais regarder le temps qui me reste. Il me reste 15 minutes. Bon, ça se peut que je déborde peut-être de 3 à 4 minutes. OK, parce que les autres n'ont eu plus que moi quand même. OK. OK. Alors, j'expliquais tantôt qu'il y a 3 éléments fondamentaux qui, pour moi, font en sorte que, malheureusement, il faut sortir du Canada. Il faut aller chercher notre souveraineté individuelle. Et cette souveraineté individuelle-là, en abolissant un palier de gouvernement en haut, on va se ramasser au Québec. OK? Puis probablement que dans le Québec, demain, on va se poser la question, est-ce qu'on veut donner le pouvoir à la base, le pouvoir à la base et le remonter vers le haut, un petit peu comme en Suisse peut-être, ou si on va avoir le même modèle parlementaire dans lequel on va élire un dictateur lorsqu'il va avoir la majorité en chambre avec une gang de yes men, yes women en arrière et peut-être de transgenres aussi. Hein? Donc, à un moment donné, c'est pas normal que tu sois élu et que ton boss te dit, ben regarde, on s'en va là, puis tu dis oui, pourquoi? Parce que je veux être réélu. Pourquoi? Parce que j'ai aucun talent dans la société. Personne ne veut m'engager. OK? Donc, je suis obligé d'être élu. Je suis obligé, sinon, je ne vaux rien. Parce que les politiciens, c'est une gang de pas bons. Une gang de traîtres. C'est ce que je peux vous dire, puis je vais vous le prouver. OK? Comme consultant, je réitère qu'on s'est fait fourrer, puis je vais vous expliquer pourquoi. Alors, trois points. Monsieur Lehir, en passant, j'ai beaucoup d'admiration pour vous. Okay. Dénoncer les démarrais, c'est déjà, il faut avoir du front tout autour de la tête. C'est pas invendu, puis bienvenue dans le club de ceux qui défendent les citoyens. Vous êtes un de mes modèles, mon cher. Et vous vous sentiez pas visé parce que vous savez qui vous êtes, parce que vous êtes un leader. Et sachez que vous êtes un modèle pour bien des gens. Vous dites la vérité, puis ça fait du bien de voir que les gens... Oui, oui. Alors, trois points. Le premier point, il y a eu trois trahisons, OK, qui ont été faites par une personne qui est le porte-étendard, dans le fond, des besoins de l'élite. On lui calait la chotte, dans le fond, puis ça lui faisait plaisir de servir. Aujourd'hui, on a son fils au pouvoir, celui qui fait des beaux petits cœurs. Je vais vous expliquer c'est quoi les trois trahisons. Il y a la trahison de 1974, soit de signer les accords de Bâle, où on signe un accord qui donne le pouvoir désormais à la Banque des règlements internationaux de décider pour nos politiciens, qu'est-ce qu'on va faire avec notre financement public, puis qu'on n'aura plus droit d'utiliser notre Banque du Canada, ou très peu. OK? Première trahison, OK? Puis elle est très importante. Je vais revenir plus tard sur ce point-là. Deuxième trahison, en 1980, c'est moins connu, il y a eu une panoplie de signatures de paradis, avec des paradis fiscaux, d'accord de non-double imposition. J'ai reçu mon ami Alain Deneau, qui est un gars, je pense, de gauche. On est de l'extrême droite, mais c'est mon ami. OK? OK? Qui est venu dans une conférence à l'Université Laval nous expliquer comment on vit dans un système d'escroquerie légalisée. Il y a un super livre que vous devez lire de 85 pages où tout est super bien expliqué. OK? Puis vraiment, il faut comprendre ce système-là. Alors, l'évitement fiscal, contrairement à l'évasion fiscale, l'évitement est parfaitement légal et les politiciens traîtres vous font semblant qu'ils vont engager du monde à Revenu Québec, à Revenu Canada pour courir après des gens qui respectent la loi qu'eux-mêmes ont votée. OK? OK. Ça, c'est le point numéro 2. Le point numéro 3, écoutez, on est ceux qui ont mon âge, là. On fait juste en parler, puis on a le cœur nous lève, là, le cul-de-sac constitutionnel. Donc, de 1970, à partir des rencontres qu'il y a eu à Victoria, jusqu'à Charlottetown, en passant par l'échec du lac Meech, la nuit des longs couteaux en 81, le rapatriement en 82, c'est un cul-de-sac. Ça prend 10 sur 10 au niveau des provinces, plus le Parlement fédéral. Oubliez ça, ça ne changera jamais. Et il n'y a pas un dénommé Philippe Couillard qui voulait changer de sujet puis rouvrir la Constitution. Voyons, ça n'a pas de bon sens. Donc, ça, c'est la traîtrise numéro 3, le fait de rapatrier la Constitution sans la signature du Québec qui représentait à l'époque à peu près le quart de la population. Alors, je vais parler, dans le fond... Dans les traîtrises, j'ai parlé de la Banque du Canada. Je vais vous expliquer rapidement okay, le système monétaire, comment ça fonctionne. Okay? Puis là, à un moment donné, il va falloir qu'on arrête de tergiverser. Là-dessus, on va vous dire les vraies affaires. Jim Stanford, okay? Ça, c'est un économiste canadien réputé qui écrit dans le Globe and Mail, qui a écrit un super bon petit livre, « Petit cours d'autodéfense en économie ». Allez lire à la page 351, voici ce qui est dit. Les banques peuvent créer de la monnaie à partir de rien lorsqu'elles accordent un nouveau prêt. Les banques peuvent créer de la monnaie à partir de rien lorsqu'elles accordent un nouveau prêt. Si on écoute M. Filion à RDI Économie qui essaie de nous faire croire que ce sont les dépôts qui créent les prêts, non. Ce sont les prêts qui créent la monnaie. On est dans un système monétaire où est-ce que les banques ont un droit conféré par nos élus, OK, de créer la masse monétaire. Et là, si vous me suivez dans ce petit chemin-là, si la monnaie qui est le moyen d'échange qu'on utilise pour faire des transactions, OK, ça prend de la monnaie, là. Il y a un actif, il y a un besoin, il y a deux parties, on veut échanger. S'il n'y a pas de monnaie, c'est dur de faire un échange. Dans une collectivité, ça prend de la monnaie. Il y a de la monnaie en cash et de la monnaie virtuelle. Si les prêts, de façon macroéconomique, créent la monnaie, les prêts, ça porte intérêt, n'est-ce pas? Donc, c'est pour ça qu'il y a une croissance de la masse monétaire. C'est que lorsqu'on crée un prêt, on crée la monnaie. Lorsqu'on rembourse un prêt, on détruit la monnaie. Donc, pour qu'il y ait un équilibre savant, il faut qu'il y ait croissance de la masse monétaire. Et ça, ça fait en sorte que l'économie roule. OK? Donc, si on arrêtait de payer le capital d'un prêt, qu'est-ce qui arriverait? On sait que les prêts créent la monnaie à partir de rien. Qu'est-ce qui arriverait? C'est que les intérêts s'accumulent sur l'avoir de la banque. Et à un moment donné, oups, il n'y a plus de monnaie en circulation. On étouffe. C'est un système que Rocco Galati, qui est l'avocat fiscaliste et constitutionnaliste, qui poursuit le gouvernement du Canada pour ne pas utiliser la Banque du Canada à bon escient. Rocco Galati et Anne Emmett également qualifient ce système-là, qui est le système international et le système canadien, comme une monnaie poison. C'est une monnaie poison, ce n'est pas une monnaie citoyenne. S'il n'y a pas de prêt, il n'y a pas de monnaie. Il y a un problème. Bon. Maintenant, quand je dis la traîtrise numéro 1 en 1974, sachez que la Banque du Canada, suite à la grande crise économique de 1929, a été créée justement pour financer les infrastructures publiques, okay, des Canadiens et également certains services offerts aux Canadiens. Donc, la transcanadienne, la Seconde Guerre mondiale, plusieurs projets, les pensions de vieillesse, ça a tout été financé, ça, par la Banque du Canada. Vous savez, si vous êtes propriétaire d'une banque et qu'elle crée de l'argent à partir de rien, okay, vous prêtez avec intérêt au gouvernement du Canada. Okay? Alors, ça crée une dépense pour le gouvernement du Canada, j'en conviens. Ça crée un revenu pour la Banque du Canada. Donc, le profit, là, il appartient à qui? À nous autres. Alors, lorsqu'on fait notre profit, on remet le profit au gouvernement du Canada sous forme de dividendes. En substance, ça coûte zéro d'intérêt. De 1938 jusqu'à 1974, la dette canadienne en dollars d'aujourd'hui n'a jamais excédé 30 milliards de dollars. Lorsque Trudeau a été approché par les banquiers internationaux, okay, je vais vous expliquer qu'ils lui ont dit « Hey, c'est dangereux d'avoir une banque publique, tu peux créer de l'inflation, tu peux partir la planche à billets de façon illimitée. » Mais non, il y a une limite. Il y a une limite, c'est que dans une année, tu ne peux pas excéder 30 % de tes revenus. OK? Puis, il y a des règles de remboursement qui sont établies avec les, dans le fond, ceux qui empruntent. Donc, le gouvernement peut emprunter, mais dans la loi, également, les provinces et les municipalités peuvent emprunter. Rocco Galati est allé voir des maires de grandes villes, puis personne ne voulait parler. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur de ne pas avoir leur subvention pour leur infrastructure. C'est tout un petit jeu de manipulation. Donc, de 1938 jusqu'à 1974, une dette, dans le fond, qui était plafonnée totale à 30 milliards de dollars et... à partir de ce moment-là, avec les accords de Bâle, 10 ans plus tard, on était à 600 milliards. 600 milliards. De 30 milliards à 600 milliards en l'espace de 10 ans, voici ce qui s'est passé. C'est une stratégie qui fait partie du néolibéralisme. C'est partout sur la planète que ça s'est passé en même temps. OK? Donc, on pourrait, là, présentement, vous savez, Croco Galati est allé en appel. En appel, ils ont dit, écoutez, votre argumentaire est politique, il faudrait le reformuler pour le rendre plus juridique et peut-être que la Cour suprême va pouvoir entendre votre voix, dans le fond. Donc, on espère que la reformulation va être acceptée puis que la Cour suprême va statuer que cette Banque du Canada-là doit financer, refinancer notre dette publique, qui est présentement la dette nette. Okay? Elle est aux alentours entre 650 et 700 milliards. Il faut faire attention, dette totale, okay, c'est une chose, puis la dette nette, c'est autre chose. Je ne veux pas rentrer trop dans le détail, mais disons 650 milliards. En conclusion, sur cette trahison-là, on a payé, et là, mettez le chiffre là, dans votre petit calepin, 1,1 trillion de dollars aux banques privées, alors que, pour le Canada, okay, seulement. C'est 1100 milliards de payés en intérêt aux banques privées. Le solde de la dette nette actuellement est de 650 milliards, ce qui veut dire que si on avait utilisé notre Banque du Canada avec les mêmes services, toutes choses étant égales par ailleurs, qu'est-ce qu'on aurait? Un excédent, mes amis. Et cet excédent-là, on aurait crié, on aurait dit, « Hey, il y a un excédent, baisse mes impôts. » Le but d'un État, c'est pas de faire des profits. OK? Et je vais rajouter le deuxième point. Là, OK, marquez ça dans votre calepin. 1,1 trillion, ça vient de Rocco Galati et de Anne Emmett. OK? 1,1 trillion, c'est de l'argent. C'est 1100 milliards. OK? Comptez jusqu'à 1100, là, à chaque fois que vous dites 1000, OK? C'est 1 milliard de dollars, c'est tout votre argent, ça, OK? Qui est mis dans les coffres des banquiers privés. OK? C'est de l'argent. Pardon? Bien, effectivement, on va interagir, les amis, un petit peu plus tard, là, juste pour... on a une beau 2 heures d'interaction qu'on va avoir plus tard. Deuxième trahison. 1980, Pierre Elliott revient après un petit intermède d'à peu près 6 mois. Joe Clark avait été élu, puis il revient au pouvoir. Bien là, on va rendre service à l'élite. Il signe des accords avec les paradis fiscaux, les Caraïbes, et entre autres, le lieu de prédilection pour les Canadiens préférés, les entreprises multinationales canadiennes préférées, c'est la Barbade. Saviez-vous que la Barbade, c'est le deuxième partenaire financier, OK, du Canada après les États-Unis? OK? Bon, alors, savez-vous comment ça fonctionne? Je vais vous expliquer comment ça fonctionne, un paradis fiscal. Il y a une loi qui dit que si tu vas de multinationale, tu as le droit d'avoir des filiales partout dans le monde, right? Si tu as une entreprise, dans le fond, une filiale, là, c'est une entreprise qui t'appartient, OK, des actions d'une entreprise qui t'appartient, et là, tu t'adonnes que tu as choisi la Barbade pour détenir tes droits, OK, tes droits de marque de commerce. Prenons une chaîne de resto rapide, dont je nommerai pas le nom, dont le siège social serait au Canada. OK? On vend des hamburgers, il y a des noms, ces hamburgers-là, des petits papa burgers, des petits, des mononcles burgers et compagnie, là. OK? Bon. Alors, petits mononcles burgers, puis petits cousins burgers, OK? Eux autres, ben, ça coûte de l'argent. Parce que quand tu manges ça, là, tu viens d'utiliser un droit. OK? Donc là, la filiale, ils ont des calculs, ils checkent le nombre d'hamburgers que tu as vendu dans l'année. OK? Puis là, le comptable, la façon qu'il vient voir le boss, puis le conseil d'administration, il dit, ouais, écoute, cette année, on fait 1 milliard de profit. OK, 1 milliard de profit. Ouais, mais attends un petit peu, ton milliard de profit, as-tu calculé les droits que ça coûte? Oh, c'est vrai. Parfait. On va demander à la filiale de nous envoyer une facture. Puis la facture, ça donne que c'est 1 milliard d'utilisation. OK, pour les droits. 1 milliard de profit moins 1 milliard de dépenses supplémentaires, ça fait zéro. Zéro fois le taux d'imposition, ça donne combien en argent, ça? Zéro. Alors là, on vient de transférer 1 milliard à la Barbade. Écoutez bien comment ça fonctionne. La Barbade, le taux d'imposition, c'est 0,25. On paye les impôts, right? Mais là, M. Trudeau, oh, c'est déjà fini. C'est fini. À la prochaine! OK. Ah, bien, c'est vous autres qui me l'avez demandé. Ben, là, je ne me le demanderai pas 2 fois. OK. OK. On est prêts? Alors, on est à la Barbade. Donc là, c'est comme to be continued. Là, on est la semaine d'après. Là, ça continue. L'émission continue. OK? Ben, je me souviens quand j'écoutais l'homme bionique, la femme bionique, c'est marqué « To be continued », je ne sais pas ce que ça voulait dire, mais j'avais hâte en assister à la semaine d'après. OK? Là, on est rendu là, on est à la semaine d'après. OK? Alors là, je suis à la Barbade, je paye 0,25. Là, il y a Gabriel Sainte-Marie, qui est un député honnête du Bloc québécois à Ottawa, qui revient toujours à la charge avec les paradis fiscaux. Il sait que c'est une escroquerie légalisée qui a été votée par le Parlement. Et là, Trudeau, « Oh non, on ne touche pas à ça. » Et pas juste Trudeau, les conservateurs aussi, et même le NPD. OK? C'est fun, hein? Ils ont tous voté contre, OK? Sauf le Bloc québécois. Bon. Puis tu sais, comme partisan du Canada, je suis obligé de dire que le Bloc québécois fait une job quand même très décente. Donc, je tiens à les féliciter là-dessus. Je regrette un petit peu le selfie avec Martine Ouellette puis Justin. J'ai trouvé que c'était de mauvais goût. C'était de mauvais goût, mais ça n'a pas rapport dans ce que je voulais vous parler. OK? Continuons. On vient de payer nos impôts à la Barbade. Mais là, la loi dit que si on a payé des impôts à la Barbade, que si on verse un dividende à la maison mère, là, donc on veut récupérer notre milliard, hein? On a payé un petit peu de 0,25, mais là, je veux l'avoir mon milliard, moi aussi, boire. Je répatrie le milliard, puis je vote un dividende. OK? Donc, j'ai le droit d'avoir un dividende, la filiale me vote un dividende. Je récupère mon argent, c'est un peu comme un filtreur de piscine. Et là, Trudeau, il dit, ben oui, on a un accord de non-double imposition. Si le taux ici, le taux effectif, est entre 25 et 38, la Barbade, mais on a un accord avec eux autres, c'est 0,25. Donc, tu peux rapatrier l'hebdo d'impôt, ton argent au Canada, donc… C'est un blanchiment fiscal légalisé. C'est une escroquerie légalisée. Maintenant, savez-vous comment ça nous a coûté, ça, depuis 1980? 400 milliards. 400 milliards. 1,1 trillion plus 400 milliards, 1 trillion 500 milliards de dollars. Maintenant, et ça, c'est toute preuve à l'appui, les amis. Le Commerce a fait une étude sur la Banque du Canada, 1,1 trillion. Et Alain Donneau, avec des fiscalistes, ont fait l'analyse, 400 milliards que ça a coûté seulement au fédéral. OK? Maintenant, si on additionne tout ça et qu'on ramène ça sur 40 ans à un payeur de taxes, OK, une famille de quatre, OK? Maman, papa, petit transgenre, et je ne sais pas trop, petite fille ou petit garçon, OK? Deux enfants, un maman, une papa. Une maman, un papa, je ne sais plus quoi dire. OK? Revenons, là, un papa, une maman, un petit garçon, une petite fille. OK? OK. Alors, 1,5 trillion de dollars, ça fait 160 000 dollars par famille, OK, que vous auriez en surplus dans le bilan du fédéral. Bon. Sur 40 ans, si on enlève les enfants qui ne sont pas des contribuables, ça fait 80 000 par personne. Si on considère qu'il y a juste la moitié de la population qui paye de l'impôt, bien là, à ce moment-là, ça fait comme un 160 000 pour un contribuable dans lequel il pourrait récupérer. Mettons-le à 80-80. Ça fait, pendant 40 ans, une économie d'impôt pour maman de 2 000 $ par année et pour papa de 2 000. Si on ramène ça au vrai ratio où la moitié de la population paye de l'impôt, c'est quand même 4 000 $ de ristourne annuelle que vous avez dans vos poches et vous avez un beau régime public d'assurance maladie, OK? Et vous avez toutes les infrastructures que vous avez et vous avez un taux d'imposition qui est moindre. On se fait fourrer, OK? On se fait fourrer. Puis, si vous me demandez d'émettre un rapport du consultant là-dessus, je vais le signer avec grand plaisir. On pourra l'envoyer, si vous voulez, au nom du mouvement républicain, en collaboration avec le mouvement Intégrité Québec, au fédéral, me dire, regarde, je pense qu'on se fait fourrer, ça. Y a-t-il moyen d'avoir une reddition de compte là-dessus? On sait très bien qu'ils vont nous niaiser, mais c'est pas plus grave que ça. Alors, ça, c'est le niveau financier. L'habitude, les gens n'aiment pas ça entendre parler de chiffres, mais là, j'ai vu qu'il y a des lumières qui ont allumé. Donc, notre monnaie, c'est de la dette monnaie, et on a des carriéristes politiques qui sont là pour servir les intérêts d'une élite financière qui s'en fout plein les poches. Et cette élite financière-là, c'est la même que celle qui crée la monnaie à partir de rien, right? OK? Ils n'en ont pas assez, eux autres. Mais qu'est-ce que ça a comme impact? C'est quand il manque de l'argent, on augmente les impôts, je vous étouffe encore plus. OK? Donc, non seulement je vous ai enlevé votre droit d'utiliser votre banque, non seulement j'ai permis d'avoir une voie de contournement aux multinationales, mais là, je dis, hey, multinationales, ils créent de l'emploi ici, eux autres, là. Caroline, mets-toi au bas, puis BS corporatif, go, go, go. OK, ça crée de l'emploi, c'est vrai, OK. Mais à un moment donné, il faut prendre un recul puis voir le big picture. Le big picture, il y a 1,5 trillion de dollars qu'on a foutu aux poubelles, et puis on ne peut pas dire que les élus travaillent pour notre intérêt. OK? Puis, ben, la dernière traîtrise encore de Pierre Elliott, je pense que tout le monde la connaît, là, c'est qu'en 1981, ben, il y a eu une petite soirée, là, où est-ce que les premiers ministres se sont rencontrés, étaient censés avoir un consensus, mais ce n'était pas fait encore. René Lévesque est allé faire dodo l'autre bord de la rivière, là. Et puis, il est revenu le lendemain, puis il y avait un deal de signé. On a appelé ça la ligne des la nuit des longs couteaux. Et bon, ben, le Québec, dans le fond, n'est pas dans le giron constitutionnel avec le rapatriement. Et c'est inacceptable. C'est une question de principe. C'est la loi fondamentale d'un pays. C'est ça qui dicte les règles du jeu. Et un des deux peuples fondateurs n'est pas là. Puis, je pourrais dire trois peuples ou quatre peuples ou. En tout cas, disons deux peuples fondateurs, là, c'est ce que j'ai appris à la petite école à l'époque. OK? Donc, bref, je vais regarder. Oui, c'est ça. Bref, dans un Québec indépendant, okay, là, je vais faire ça très, très vite. Dans un Québec indépendant, qu'est-ce que ça nous prend? Ça nous prend notre banque centrale québécoise, contrôlée à 100 % par le gouvernement, qui va créer la monnaie québécoise, OK, qui ne sera pas une dette monnaie, puisque même s'il y a des intérêts qui courent sur une dette créée par une banque du Québec, elle nous est ristournée sous forme de dividendes, donc ça devient une monnaie, disons, citoyenne. Pour les banques, dans un État souverain, c'est dangereux de dire ça, mais il faut leur enlever la capacité de créer de l'argent à partir de rien. Donc, il faut libéraliser le marché et faire que les compagnies, les fonds d'investissement soient ceux qui prêtent les actifs réels qu'ils ont. Donc, une banque devient un fonds d'investissement. S'ils veulent prêter, ils prêtent l'actif qu'ils ont. Ils ne créent plus l'argent. Il faut que ce soit la banque centrale qui crée de l'argent. Et comme citoyen, il faut aussi penser à un plan B, d'avoir des monnaies citoyennes locales. En cas de crise économique, on peut mettre la switch à B, puis on peut encore transiger. Ça reste une béquille, mais il faut faire attention. Parce que présentement, s'il y a un crash, il va y avoir une contraction de la masse monétaire, puisqu'il y a des faillites bancaires. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire un bail-in. Trudeau a voté pour le bail-in en passant. C'est qu'ils vont vous saisir vos comptes de banque, si ça arrive. Puis là, vous allez dire, « Hey, mon compte de banque, ah, mais t'es un créancier, c'est marqué dans la loi. » Parce que ton compte de dépôt, c'est un créancier pour la banque, il a le droit de le saisir si jamais il arrive un événement plus catastrophique que ce qui est arrivé avec la crise de 2008 aux États-Unis. Ça a été signé, le bail-in, par notre ami Trudeau. C'est sûr que Justin aimerait ça suivre les pas de papa. Hein? Donc, moi, je veux dire, au niveau d'un compte bancaire, c'est peut-être un peu plus safe d'avoir ça dans un compte de Caisse Pop. Parce que ça nous appartient à 7 millions de membres. C'est peut-être une petite recommandation à envisager éventuellement. Donc, je conclue là-dessus. Là, j'ai dépassé pas mal. Ça nous prend des outils de démocratie directe, OK, dans un futur Québec souverain, OK. Il faut que le peuple ait un pouvoir de rappel de ses députés incompétents et corrompus. Première étape, procédure, tu es un député, tu as bien beau être le premier ministre, tu restes un député, on te rappelle si tu es incompétent. Ensuite de ça, une pétition sur des enjeux importants, ça déclenche automatiquement avec un nombre déterminé un référendum sur tout sujet. Donc, on se prononce, on a le pouvoir, on se prononce. Oui, on délègue au peuple, on délègue à des carriéristes politiques, mais en même temps, ça ne fait pas notre affaire. Un peu comme en Suisse, quand ça ne fait plus l'affaire, on colle la chatte, puis voyons donc, tasse-toi de là, comme on dit. Ensuite de ça, un Parlement bicaméral, ça serait intéressant de l'envisager, c'est-à-dire avoir une Chambre basse et un Sénat. Le Sénat, là, il y a un dénommé Étienne Chouard là, qui parlait de tirage au sort. Imaginez-vous, si on choisissait parmi la population un nombre de personnes, de sénateurs, qui diraient « Hey, mais moi, je suis un comptable, là, je ne me tente pas d'aller. Tu vas servir ton pays, OK? T'es comme un juré pendant 4 ans, puis on va regarder comment tu fais par année, puis c'est ça qu'on va te donner comme salaire, mon homme. Puis si t'es quelqu'un qui vit pauvrement, bien là, t'es chanceux. Au lieu de faire 25 000 par année, tu fais le salaire de base de 70 000, mais t'es là pour servir pendant 4 ans, puis après ça, on va te libérer de tes fonctions. Fait qu'imaginez-vous le chien de garde que la chambre basse aurait en haut, OK? Tous des citoyens qui ne veulent pas faire carrière, eux autres, ils veulent juste rendre service parce qu'ils sont obligés de le rendre, le service. Donc, ça pourrait être quelque chose d'intéressant à envisager. Et il me restait un point. Bon, j'écris tellement mal, je ne suis même plus capable de me lire. OK, c'est beau. Ah, OK, bien, je vais conclure là-dessus. Écoutez, depuis 1968, il y a le mouvement Souveraineté Association qui a été créé, qui est devenu une partie québécoise. Dites-moi quand est-ce qu'on vous a parlé de procédure de rappel des députés? Ah, jamais, OK. Bien là, pétition avec référendum automatique sur n'importe quel sujet. Une souveraineté avec une banque québécoise nationale. Quand est-ce que vous avez entendu parler de ça? OK? Une monnaie québécoise. On voulait faire une souveraineté politique, mais dépendre des politiques monétaires d'un pays étranger. Puis c'est fondamental d'arrimer sa politique monétaire avec les taux d'intérêt, avec la masse monétaire qui est créée par une banque centrale. Tu n'es pas souverain. Il y a un dénommé Mayer Amschel Rothschild, fondateur de la dynastie Rothschild, qui a dit « Donnez-moi le pouvoir monétaire, peu importe qui fait les lois. » OK, et ça, je vais conclure là-dessus. Jacques Parizeau, qui étudie à Londres, le savait très, très bien. Jean-Martin Haussan, étudiant en Grande-Bretagne, le sait très bien. Alexandre Cloutier, qui étudie à Londres, il sait très bien. Véronique Yvon, qui étudie au London School of Economics, le sait très bien. Et le petit nouveau que la bourse Cecil Rhodes, Bureau Blouin, c'est votre futur premier ministre, sacrement. Puis, ce qu'il va faire, il va dire, « Hey, c'est la Banque du Canada et l'argent canadien qu'il faut utiliser. » OK? Il faut se réveiller, là. OK? Bourassa, ça a étudié à Londres. L'autre, là, comment il s'appelle? Daniel Johnson, qui conseille présentement Philippe Pouillard, qui fait ça avec. Ça a étudié à Londres aussi. C'est tous des Londoniens, sacrement. OK? À un moment donné, il faut se réveiller. Réveillez-vous. Tu sais, je ne veux pas faire un péché mortel, OK? Je vais en faire un pareil, je vais conclure là-dessus. René Lévesque, il travaillait à BBC, puis il a déjà dit « God save the Queen », puis il était bien content. Allez voir les archives, OK? Fait que je veux arrêter de faire confiance aveuglément. Il faut faire confiance, on n'a pas le choix, mais restez toujours l'esprit critique. Soyez vigilants, parce qu'il y a des bonnes personnes. Il y a des gens qui sont innocents, qui ne savent pas. Il y a des gens qui sont intelligents puis qui sont de mauvaise foi. Il faut faire la part des choses. C'est juste ça. Fait que, écoutez, merci d'avoir écouté. J'ai dépassé largement. On lâche pas! On lâche pas! Comme dirait Donald Trump, God bless you! Merci beaucoup, M. Blais. Comme j'ai dit ce matin, si je ne l'ai pas dit, bien, je le dis maintenant, comme tout le monde sait, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Puis le sujet dont vient nous parler M. Blais, c'est très important. Moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Comme M. Blais a dit, on ne sera jamais souverain si on n'a pas notre souveraineté monétaire. Ça, c'est une base, là. C'est la base de tout. Si on est pour faire un pays, ce qu'on va faire, OK, bien, il va falloir aussi trouver notre indépendance économique. M. Blair a parlé des Rothschild, puis ça, c'est pas une fake news, c'est pas une théorie de la conspiration. Les Rothschild, c'est une famille qui existe pour le vrai. Ce sont des êtres vivants. Ils ont commencé au 18e siècle. Eux, ils ont compris rapidement que pour prendre le pouvoir à l'échelle internationale, il fallait créer un réseau bancaire international. Ils ont pris possession des pays. Les gouvernements, là, ils ne sont pas indépendants. En réalité, quand un gouvernement fait affaire avec une banque, bien, ils font affaire avec les Rothschild. Je vais vous dire une autre chose, par contre. On parle de créer la Banque du Québec éventuellement. Là. Ce qu'on va faire, on va devenir indépendant. On va la créer, cette banque. Par contre, il ne faut pas être naïf là-dessus. Il y a deux personnes aux États-Unis qui ont tenté le coup. Okay? Le premier, c'est Abraham Lincoln, qui avait créé sa propre la monnaie, une monnaie indépendante de la famille Rothschild. Et la deuxième personne, c'est John F. Kennedy, qui voulait remettre en question le système de la réserve fédérale américaine. Ben, ces deux personnes-là se sont fait assassiner. Puis ça, c'est la réalité. Fait que, oui, moi, là, je suis prêt à défendre ce point-là. Je ne souhaite pas particulièrement me faire assassiner. Il y a d'autres personnes que moi aussi qui sont intéressées. Oui, tout est enregistré. Tout est filmé. Mais il ne faut pas être naïf non plus. Donc, si on se dirige vers ce point-là, il faut s'attendre à des échos outre-mer. Ça, c'est certain que ça ne se fera pas les deux doigts dans le nez, comme on dit en bon québécois. Mais moi, je suis entièrement pour. Puis on devrait tous être pour. Si on veut la souveraineté du pays, c'est clair qu'il nous faut de la souveraineté économique. Donc, nous allons poursuivre nos conférences avec notre cher M. Jean-Jacques Nantel, qu'on est très heureux d'accueillir parmi nous. Jean-Jacques Nantel, pour ceux et celles qui ne le connaissent pas, Jean-Jacques Nantel est le cinquième d'une famille... Attention au fil, hein, surtout qu'il n'y ait pas d'accident. OK, mesdames et messieurs, Jean-Jacques Nantel est le cinquième d'une famille montréalaise de 9 enfants. Il provient d'un milieu d'enseignants et de professionnels. Il a reçu une formation d'ingénieur géologue et de manager à l'École polytechnique de Montréal et à l'Université McGill. Pendant des années, Jean-Jacques a œuvré pour des PME québécoises de géophysique, tant au Québec qu'à l'étranger, et a ensuite été directeur régional pour l'Asie, l'Afrique et les Caraïbes, 32 pays au total, pour une entreprise privée d'aide au développement international. Globetrotter, dès son jeune âge, il a entrepris en 1979 un voyage en autostop et en solo de 2 ans autour de l'Europe et de l'Afrique noire. Au total, Jean-Jacques Nantel a vécu 15 ans à l'étranger et visité une centaine de pays sur 4 continents. Il parle couramment 4 langues, dont l'espagnol et le portugais. Il a été marié à une Brésilienne pendant 8 ans, a vécu 5 ans au Brésil, où il a été immigrant, et 3 ans à l'Université de Shanghai en Chine. Depuis son retour au Québec en 2010, Jean-Jacques Nantel s'est impliqué dans une foule d'organisations indépendantistes québécoises, dont le Bloc québécois, Oui Québec et Cap sur l'indépendance. Passionné d'histoire et de géopolitique, il a publié sur Amazon un livre électronique sur la géopolitique mondiale intitulé « Vivre dans un univers qui s'éteint ». Il est également l'auteur de dizaines d'articles publiés sur Vigile Québec, de nombreux clips radiophoniques et de nombreuses vidéos présentées sur YouTube, principalement sur le sujet de l'indépendance payante du Québec. Ses passe-temps préférés sont la lecture, le cinéma, le vélo et les descentes de rivières en canot. Donc, nous sommes très heureux d'accueillir parmi nous M. Jean-Jacques Nantel. Ça tire à droite. C'est left, click, ça avance. C'est left? OK. OK, mais bon. C'est parce qu'il faut que tu vois la flèche sur la chose ou c'est pas nécessaire? Pardon? Faut que tu vois la flèche sur... Ah ouais, je l'ai. C'est beau. Fait que tu cliques là-dessus. À gauche. Ça... Oups. C'est beau, c'est correct. Là, si un matin, tu fais comme moi, là. OK. Tu fais précédent. Où est-ce que le précédent, c'est celui-là? Ouais. C'est beau. Ça va. Ça marche? Bon, ben, je remercie M. Bouliane puis le Mouvement républicain de m'avoir invité. Ils m'ont demandé... Excusez-moi. J'ai pratiqué sans le micro. On m'a demandé de parler des profits de l'indépendance. Alors, je vais le faire. Moi, je suis géopoliticien, puis les gens m'ont souvent demandé quel serait, selon toi, le pays idéal. Bien, je leur dis tout le temps, pour un géopoliticien, ça ne peut pas être le Canada, parce que le Canada, c'est un pays artificiel. C'est ce que je vais vous montrer. C'est un pur produit de l'histoire. Quand vous me voyez transférer une page, là, c'est parce qu'il faut que je fasse ça. Ah. Cliquez sur quoi? Il m'a dit de peser à gauche. OK, je vais vous indiquer. Quand vous voyez, je change une page. C'est ça. Le signe, c'est quand je tourne la page. Désolé, je n'étais pas pratiqué avec ce système. Bon, voici. Alors, j'ai dit que le Canada, la prochaine. Oui. Le Canada, c'est un produit de l'histoire. C'est le résultat, le Canada actuel, c'est le résultat de l'invasion britannique contre la Nouvelle-France. Ça va. Alors, ce qui est arrivé quand les Anglais ont conquis la Nouvelle-France, c'est qu'ils ont jeté à l'extérieur de l'Amérique du Nord la France, de même que nos élites, ce qui fait que la coalition franco-québéco-amérindienne a disparu, et ce qui a empêché, ce qui a fait que les Américains ont arrêté d'avoir peur de notre coalition, qui était très menaçante pour eux. Alors, ça a déclenché 1763, traité de Paris, 1776, l'indépendance américaine. Quand les Américains ont fait l'indépendance, ils ont dit, ben là, les Français sont partis, les Québécois sont devenus faibles, les Amérindiens ne sont pas une grosse menace, alors maintenant, on va mettre dehors les Anglais. C'est ce qu'ils ont fait en 1776 avec l'indépendance américaine. Et les Américains, comme vous pouvez le voir ici, leur but à eux, c'était d'aller à l'ouest, et non pas au nord, ils allaient à l'ouest. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont immédiatement précipités après l'indépendance américaine, au-delà des Alleghanies, c'est-à-dire les Appalaches, pour aller conquérir l'ouest de l'Amérique du Nord. Et les Anglais, qui étaient maintenant installés ici, ils se sont dit, si on les laisse faire tout seuls, bien, ils vont prendre tout le continent, c'est-à-dire l'Alberta, tout ça, ils vont tout prendre. Alors, les Anglais se sont dépêchés de courir eux aussi, en parallèle avec les Américains, pour se rendre jusqu'à l'océan Pacifique. Ce qui fait qu'il y a eu deux courses à l'ouest parallèles, par des Anglais dans les deux cas, c'est-à-dire les Américains qui étaient d'anciens Anglais et les Anglais au Canada. Et cette poussée-là était une poussée tout à fait naturelle. C'était une poussée d'un continent pauvre et surpeuplé vers un continent qui était riche et vide. Et le continent était vide parce qu'on a fait, on a colonisé l'Amérique du Nord au 17e siècle alors que Christophe Colomb est arrivé au 15e siècle. Alors, pendant plus d'un siècle, les épidémies ont fait le vide dans les trois Amériques, notamment en Amérique du Nord. Alors, quand les colons arrivaient dans l'Ouest, ils trouvaient des forêts, ils trouvaient des troupeaux de bisons gigantesques. C'était tout repoussé, ça. C'était la vie qui avait, l'écologie qui avait repris le continent. Alors, le continent paraissait vide, alors qu'en fait, il avait été vidé. C'est ça. Ce qu'il faut comprendre par rapport à ces deux mouvements-là, c'était que c'était un mouvement qui était contraire à la géographie. Vous pouvez y aller. En Amérique du Nord, les axes géographiques sont presque tous dans le sens nord-sud. Vous avez la côte est, les Appalaches sont nord-sud, le lac Michigan, le Mississippi, les Rocheuses, la côte est, le Gulf Stream, le courant de Californie. Enfin, vous le voyez sur la carte, là, c'est vraiment dans un sens nord-sud généralisé. Il y a une grande exception extrêmement importante, c'est l'exception Saint-Laurent-Grand-Lac, qui est un axe est-ouest. S'il vous plaît. Ah oui, excusez-moi. Quand les Américains et les Anglais se sont précipités vers la côte ouest, ils ont travaillé dans le sens contraire de la géographie, c'est-à-dire qu'ils ont remonté le fleuve Saint-Laurent à contre-courant, ils ont franchi les Appalaches dans un sens perpendiculaire. Normalement, on ne fait pas ça. Traverser des montagnes, il faut que ça soit très payant de le faire en allant de l'autre côté des montagnes où il y a de la richesse. Et ils ont franchi également les Rocheuses parce que c'était un mouvement naturel de population pauvre qui allait vers les terres vides et riches. C'est changé. Le résultat de ça, dans le cas du Canada, comme il se précipitait vers l'ouest, c'est que comme les êtres humains n'aiment pas dans le froid, eh bien, ils sont restés le plus au sud possible le long de la frontière américaine, la future frontière américaine. C'est-à-dire qu'ils s'arrangeaient pour ne pas déranger les Américains, puis les Américains essayaient de ne pas déranger le Canada, mais les Américains étaient beaucoup plus puissants. Alors, le résultat de ça, c'est que le Canada est devenu une longue bande de territoire allongé comme un serpent, qui avait 5000 km de long, 300 km de large. C'est encore le cas aujourd'hui. C'est là que vit à peu près 90 % de la population canadienne. Le nord du Canada, là, c'est un désert comme le Sahara. J'ai travaillé là. On ne peut pas vivre là. Il y a juste quelques poignées de mineurs, des Amérindiens, mais ce n'est vraiment pas des grosses populations et ça ne le sera jamais, comme au Sahara, parce que c'est un territoire beaucoup trop froid, beaucoup trop dur. Alors, le résultat de tout ça, c'est que... On a changé, oui. Vous avez le serpentin de la population canadienne. Non, pas tout de suite. Et vous voyez également, une autre preuve que c'est un pays artificiel, le Canada, c'est que beaucoup, beaucoup de frontières rectilignes au Canada. Ça, c'est des frontières qui ont été dessinées par des diplomates qui voulaient régler un problème là, en négociant, mais ils ont simplement tiré des lignes. Dans l'Ouest canadien, le but des diplomates en question, des politiciens en question, c'était de donner une aire à peu près égale aux quatre provinces de l'Ouest. Mais c'est complètement fou parce que, par exemple, la frontière sud du Canada, qui est le long du 49e parallèle, passe à travers des lacs, des montagnes. C'est tellement artificiel comme frontière qu'il y a une entente entre le Canada et les États-Unis pour déboiser, je crois que c'est 6 mètres, 3 mètres au Canada, 3 mètres aux États-Unis, déboiser la forêt de façon à ce qu'on voit la frontière. La frontière n'est pas réelle, c'est une frontière artificielle. Allez. Le résultat de ça, c'est que le Canada moderne, qui est censé être un pays d'axe est-ouest, et il y a des grumeaux de peuplement au Canada qui regardent dans des directions différentes, non pas dans un axe est-ouest, parce que la tendance, quand on habite un pays suffisamment longtemps, c'est qu'on commence à suivre les axes géographiques, parce que les êtres humains, comme toute forme de vie, n'aiment pas gravir des montagnes pour rien. Quand on gravit une montagne, c'est parce que c'est payant de le faire. Et on monte à vide, on redescend à plein, c'est-à-dire on monte avec un camion vide, puis on redescend avec du minerai, par exemple. Alors, le résultat, c'est qu'au Canada, vous avez un grumeau de peuplement dans les maritimes. La population est orientée du côté de l'océan Atlantique. Ça, c'est non pas du côté du Québec, mais du côté de l'océan. Ce qui fait que les provinces atlantiques regardent vers l'est et également vers la côte est américaine. Ensuite, vous avez un vide de peuplement. C'est très clair, par exemple, au niveau du Maine. Il n'y a pas de route, il n'y a rien, il n'y a presque rien. Juste une voie ferrée puis quelques petites routes, des chemins de terre. Ensuite, vous avez... ce qu'on appelle les basses terres du Saint-Laurent, c'est ici, là, c'est les territoires plats que vous voyez autour de vous. C'est ces territoires-là qui font que le Québec existe. Les basses terres du Saint-Laurent, ça, c'est le Québec profond, là, celui qu'on habite depuis 4 siècles. Et le Québec a une sortie autonome vers l'océan Atlantique par le Golfe, a également une sortie autonome du côté de la vallée du Richelieu, qui est une vallée, encore une fois, de basse altitude, qui permet de se rendre jusqu'à New York en droite ligne. Il y a également, par le fleuve Saint-Laurent, un accès au Grand Lac. Là, vous avez un vide de peuplement relatif. Quand vous allez à Toronto par la 401, vous voyez des forêts à un moment donné ou des champs. Il n'y a pas beaucoup de monde, là. Puis là, vous arrivez à ce qu'on appelle la péninsule ontarienne. On appelle ça une péninsule parce qu'elle est entourée par le lac Ontario, lac Erie, lac Huron et la baie Georgienne. Alors, la péninsule ontarienne, elle, eux, ils regardent surtout vers le Québec, bien sûr, à cause de la voie maritime, et de la vallée du Saint-Laurent, mais ils regardent surtout vers le sud des Grands Lacs. C'est pour ça que l'industrie automobile est installée en Ontario, parce que c'est plus près de la région de Détroit. Là, ensuite, au nord du lac supérieur, vous avez encore un vide. Puis là, dans les prairies, vous avez plusieurs petits grumeaux de peuplement qui font de plus en plus affaire dans le sens nord-sud. Pensez, par exemple, au pétrole qui se tourne Excel, tous les pipelines qu'il y a dans la région de l'Ouest, Saskatchewan, Alberta. Ensuite, vous avez encore un vide, puis après les Rocheuses, vous avez la Colombie-Britannique qui, elle, regarde vers le Pacifique. Alors, vous avez ici un exemple tout à fait clair d'un pays artificiel, très allongé, avec des grumeaux de peuplement qui ne se visitent pas. C'est l'inverse d'un pays naturel, comme la France, par exemple, ou comme je vais montrer le Québec, où tout descend de façon concentrique des montagnes vers une plaine basse. C'est un pays naturel, ça fait comme une cuvette. Le Canada, c'est pas ça. Le Canada, c'est un pays qui s'est développé dans le sens est-ouest, puis plus l'économie et l'histoire avançaient, et plus les axes suivaient les axes de la géographie, parce que ça permet d'accumuler beaucoup de petits profits, comme j'appelle. Chose intéressante sur le Canada, il y a plusieurs régions qui ont un nom, alors que ça ne correspond à aucune réalité géographique. Par exemple, les prairies. Tout le monde parle des prairies, mais c'est pas une province. Les maritimes, les territoires du Nord. Autrement dit, il y a des réalités évidentes, géopolitiques évidentes, géographiques évidentes, sans, on leur a donné un nom, mais ça ne correspond à rien au niveau politique. Alors, ça crée beaucoup, beaucoup de bruit dans l'économie. Il y a du gaspillage systémique qui se produit avec toutes ces frontières droites là, que j'ai montrées. Dernier élément que je veux par rapport à cette carte-là, c'est le cas du Québec. Si vous regardez bien, le Québec est le seul endroit où ça va dans trois directions différentes. Parce que le Québec, c'est un territoire, surtout la région de Montréal, c'est un territoire central à partir duquel tout s'étend en éventail. À partir de Montréal, c'est-à-dire on part vers l'ouest canadien par la Transcanadienne, on va vers Toronto par la 401, puis on va également vers l'ouest en suivant la côte sud des Grands Lacs. S'il vous plaît. Le Canada est tellement artificiel que la péninsule ontarienne, qui détient une grande partie de l'économie canadienne, est complètement au sud du 49e parallèle qui marque la fin, l'extrémité sud des prairies. Et c'est même au sud du 45e parallèle qui marque la limite sud du Québec. La péninsule ontarienne est complètement dehors du Canada. Très étonnant, mais c'est comme ça. C'est dû au fait que le Canada s'est développé en suivant géographie. La géographie, les Grands Lacs étaient là où ils étaient. Puis l'Ontario s'est développé de plus en plus en direction des États-Unis. Chose à noter ici qui est très importante au niveau géopolitique, le Québec occupe les deux rives du Saint-Laurent, alors que l'Ontario n'occupe que la rive nord des Grands Lacs. Ça, c'est très important, parce que ça veut dire que le Québec a une sortie autonome vers l'ouest des États-Unis en passant par la route qui est au sud des Grands Lacs. S'il vous plaît. La péninsule ontarienne est tellement en dehors de la carte que la Transcanadienne ne passe pas par la péninsule ontarienne et ne passe pas par Toronto. Alors, ça montre vraiment qu'on parle d'un pays là, qui s'ouvre en éventail. S'il vous plaît. Maintenant, je vais vous parler d'un pays artificiel, le Canada, qui est un pur produit de l'histoire. Maintenant, je vais vous parler de pays naturel, ce qu'on appelle un pays naturel en géopolitique. Un pays naturel, c'est un pays qui obéit à la fois à la géographie, qui elle est permanente, les Laurentides sont là depuis des centaines de millions d'années. Pays naturel, ça obéit à la géographie et à l'histoire. L'histoire, c'est temporaire. Ça change. Les mouvements de population changent. Par exemple, il n'y a presque plus personne qui vient d'Europe aujourd'hui. Il y en a un peu, mais presque rien par rapport à avant. Là, c'était 100%. La géopolitique, c'est la science qui étudie l'influence de la géographie sur l'histoire, l'organisation des États, la politique des États. La loi centrale de base de la géopolitique, c'est l'économie d'énergie. C'est-à-dire que dans notre univers, c'est une loi physique. L'énergie, elle se disperse, elle se perd, elle se dégrade. C'est une loi de physique. Et ça, c'est un impact extrêmement important sur la vie qui essaie de faire l'inverse. La vie essaie de survivre en accumulant toujours des petits profits, c'est-à-dire en produisant toujours plus qu'elle consomme. Alors, c'est pour ça que je disais tantôt, on ne monte pas une montagne inutilement. Personne ne s'amuse à faire ça, à moins que ça soit payant. On veut se mettre en forme, on veut aller chercher des framboises ou aller chercher de la viande en faisant de la chasse, mais il faut qu'il y ait une raison pour ne pas respecter la loi du moindre effort. Alors, ces lois de la géopolitique, ça va. C'est une vallée au Népal que j'ai photographiée pour bien montrer ce qui se passe dans un pays naturel. Un pays naturel, ça peut être à toutes les échelles. À l'échelle d'une vallée, à l'échelle d'un pays comme le Québec, à l'échelle d'un continent. C'est des lois géopolitiques qui s'appliqueraient même aux autres étoiles, là. C'est des règles physiques de notre univers. Alors, dans un pays naturel, les montagnes sont vides. Souvent, on a coupé les arbres, on est monté vide, on est redescendu avec le bois, mais il n'y a plus de bois. Puis la population s'installe dans une plaine où là, il y a beaucoup de terre, où c'est plat, on a besoin de monter des côtes continuellement, on peut s'échanger facilement. Les gens se concentrent dans une ville parce que ça permet d'échanger rapidement et de créer beaucoup de richesses en coopérant. Alors ça, c'est un cas typique d'une vallée, une simple vallée. Mais c'est bon à toutes les échelles. Alors, j'ai dit tantôt, c'est ça. Là, la chose importante à comprendre, c'est que dans un pays naturel, vous avez un effet de cuvette. C'est-à-dire que les populations ont tendance à tourner le dos aux montagnes, c'est-à-dire aux autres peuples qui sont au-delà des montagnes, et à se concentrer dans une vallée. Alors, le résultat, c'est qu'ils ont tendance à développer un dialecte, des fois des langues particulières, une secte particulière, une mentalité, des technologies qui sont adaptées à leur pays. Bon, s'il vous plaît. Le résultat de tout ça, depuis 10 000 ans, Les êtres humains sont partis du centre des continents avec l'invention de l'agriculture, puis ils sont descendus graduellement en inventant l'agriculture, ils sont mis près des ruisseaux, on a besoin d'eau, pour faire, puis les ruisseaux, bien, sont dans le trou. Alors d'abord vers les ruisseaux, ensuite vers les rivières, ensuite vers les fleuves, puis finalement près des océans. Alors vous avez ici, à l'ère moderne, après 10 000 ans de mouvement de population, une grande partie des plus grandes villes du monde sont maintenant sur les côtes. Là, vous êtes au niveau de l'océan, qui est ce qu'on appelle une équipotentielle, une surface plate, qui est une des plus basses sur la planète. On va dire que c'est la plus basse, il y en a des plus bas, mais ça ne compte pas vraiment. Alors, il y a des exceptions. Montréal, qui est sur un fleuve navigable, Paris, Londres, mais ce sont sur des fleuves navigables. Alors, ce qui arrive, c'est que, par exemple, au Québec, l'océan Atlantique commence vraiment à Montréal. C'est-à-dire que vous pouvez prendre un bateau à Montréal puis descendre le fleuve librement. C'est un fleuve dangereux, mais on peut descendre le fleuve librement sans rencontrer aucun obstacle et se rendre au Brésil, en Chine, en Inde, où on veut. Alors ça, c'est la géopolitique, puis c'est généralisé, c'est sur la planète entière. Le Québec, comme je l'ai dit tantôt, c'est un pays naturel. C'est un pays qui est en forme de cuvette. Au nord, vous avez les Laurentides. Au sud, vous avez les Appalaches. À l'ouest, vous avez les grands lacs. Alors, le lac Ontario est à 69 mètres, plus haut que Montréal. Puis les autres grands lacs, ça va jusqu'à 172 mètres. Enfin, ça n'arrête pas de monter, c'est comme un escalier. Alors, ce qui arrive, c'est que les basses terres du Saint-Laurent, on appelle ça les basses terres du Saint-Laurent, c'est la mer de Champlain, c'est très plat. Alors, toutes les matières premières, l'électricité, ça ne pèse rien, mais les barrages ont coûté très cher à construire. L'électricité, les minerais, la population, le bois, enfin tout ce qu'on veut, descend des Appalaches ou des Laurentides et des Grands Lacs et se concentre dans une ville comme Montréal, qui est la fin de la navigabilité du fleuve Saint-Laurent. Alors, Montréal est vraiment une ville très importante au niveau stratégique. Dernier élément sur cette carte-là. Quand vous avez un territoire comme les basses terres du Saint-Laurent qui sont complètement plates, là, quand vous roulez là, pour aller à Québec, là, on le voit, c'est plat, là, c'est une ancienne mer. C'est plat, plat, plat, il n'y a même pas de collines. Il y a des montées régionales, mais presque rien. Alors, quand vous avez un territoire comme ça, c'est extrêmement économique de l'aménager. Si vous voulez avoir une voie ferrée dans la vallée du Saint-Laurent, vous mettez des rails sur le sol, vous avez votre voie ferrée. Si vous voulez une autoroute, mettez de l'asphalte, ça fait une route. Ça ne coûte rien, c'est très économe parce que c'est court, c'est droit, c'est bas. C'est facile à occuper. Alors, c'est la chose très importante à se souvenir. Le Québec, évidemment, n'est pas seulement qu'un pays naturel. C'est également un corridor de passage. C'est un pays de passage. Un pays de passage. Et c'est, comme j'ai dit tantôt, la principale voie de pénétration de Centre-Est-Ouest de tout le continent nord-américain. C'est très économique de remonter, le fleuve Saint-Laurent jusqu'à Montréal. À partir de Montréal, bien, vous êtes rendu profondément dans le territoire. Puis si vous construisez le canal Rideau, le canal Lachine, puis plus tard la voie maritime du Saint-Laurent, bien là, vous avez accès à la plus grande mer intérieure du monde, qui sont les Grands Lacs, qui donne accès au centre du continent le plus riche du monde. Alors, la vallée du Saint-Laurent, c'est la vallée la plus stratégique de toute l'Amérique du Nord, parce que ça permet de pénétrer au centre du continent le plus riche du monde. Et Montréal est une ville stratégique. On vous a tantôt l'océan... Atlantique commence à Montréal. Alors, allez-y. Vous l'avez ici, là, j'ai parlé de ça tantôt. Si vous avez une route au Québec, là, dans la vallée du Saint-Laurent, mettez de l'asphalte sur le sol. Même chose la voie maritime, c'est un bon endroit pour mettre des... Bon, c'est très bon, ça vaut de l'or. Toutes les communications du Canada de l'Est passent par le Québec. Puis quand je dis toutes, c'est toutes. C'est-à-dire la voie maritime, la transcanadienne, les trains, les futures pipelines, les gazoducs, les trains, j'ai parlé des trains, les autoroutes, bon. Ça passe par ici parce que ça ne coûte pas cher. C'est très facile de passer. Ça vaut de l'or au niveau économique. S'il vous plaît. Maintenant, on va parler de l'histoire. Qu'est-ce qui est vraiment arrivé? Le Saint-Laurent, il y a eu quatre grandes colonisations réussies dans les Amériques. La première, les deux premières, ça a été les Espagnols, les Portugais, qui étaient des colonisations de voleurs. Les Anglais, les Français ont également participé dans les Caraïbes et surtout dans le sud des États-Unis, où là, ils agressaient les Indiens pour leur voler leur or, tout ce qu'ils produisaient. Puis ensuite, ils se sont servis d'esclaves pour ramasser le coton. Ça a été jusqu'à Richmond, pas loin de Washington. Ça, c'était les deux premières, c'est la première colonisation de valeur là, des pillards. La deuxième, ou la troisième, si vous voulez, la troisième type de colonie, c'était la colonisation des Yankees dans le nord des États-Unis. Ça, c'était une colonisation massive, profonde, paysans compris. C'était des Européens qui s'installaient sur la côte, qui coupaient les forêts, qui installaient des paysans. Alors, ils repoussaient les Amérindiens, pas pour des raisons racistes, parce qu'ils voulaient le territoire que les Amérindiens semblaient ne pas utiliser. Parce que les Amérindiens, c'était des nomades. Il y avait de l'agriculture, mais en fait, ça venait de commencer. Alors, le grand mouvement important en Amérique du Nord, ça a été le mouvement de peuplement des Yankees, là, qui allait vers l'ouest. Puis vous avez une quatrième colonisation qui a eu lieu dans la vallée du Saint-Laurent par les Français, qui était une colonisation commerciale, la nôtre. Les Français, s'ils sont venus s'installer dans un pays où il y a 5 mois d'hiver, plutôt que de rester dans la douce France, c'est parce qu'ils voulaient se rendre le plus loin possible à l'intérieur du continent pour profiter du commerce des fourrures. Alors, les Français sont venus ici pour faire du commerce. Ils ne sont pas venus ici pour tuer les Indiens. On ne tue pas ses clients. Alors, on amenait aux Amérindiens toutes sortes de choses dont ils avaient besoin, des outils de métal, des fusils. On leur amenait des perles de verre pour faire les beaux costumes qu'ils font encore aujourd'hui. Bon. Puis, en échange, eux nous donnaient des fourrures qui étaient très populaires en Europe, où les gens avaient froid, et les riches aimaient mettre des fourrures. Alors, la chose importante à retenir ici, c'est que le Québec, c'est un pays commercial. Et la colonie de Nouvelle-France était une colonie commerciale, avec des classes supérieures hypertrophiées. Les Anglais nous disent depuis une couple de siècles, vous autres, vous n'êtes pas bon en économie, vous n'êtes pas capable de faire Hydro-Québec en français. C'est faux, ça. Jusqu'en 1763, on était un peuple riche. On avait une administration coloniale, un gouverneur, des intendants, des secrétaires, des archivistes. On avait une hiérarchie religieuse, des évêques, des prêtres. Les jésuites qui étaient ici, les récollets, mais surtout les jésuites, c'était la crème de la crème de l'Église catholique. Alors, c'était des gens très, très instruits. Marguerite Bourgeois, Jeanne Mance, Champlain, c'était tout du monde instruit, ça. Louis Hébert, l'ancêtre de tous les Québécois, c'était pas un bouseux qui le suivait de la boue en Europe. C'était un pharmacien, c'était un apothicaire. Bon. Et on avait des exportateurs, des importateurs, on avait des marchands, des gens qui se rendaient jusqu'en France ou aux Caraïbes pour acheter du... Pierre-Lemoine des Bergers, on avait des nobles. Fait qu'on avait des classes, comme c'était une colonie commerciale, on avait des classes supérieures hypertrophiées, beaucoup plus importantes. Comme le pays était vide, bien, les gens commençaient à faire des bébés, faire de la terre, puis on a commencé à avoir petit à petit plus de cultivateurs. La chose que je veux que les gens comprennent, c'est qu'on était un peuple commercial qui habitait un pays commercial. Et ce pays commercial-là... Oui, s'il vous plaît. C'est ça. Ce pays commercial-là était basé, bien sûr, sur les amitiés amérindiennes. Alors, l'histoire là, qu'on a fait des génocides, là, on ne tue pas ses clients. Personne ne fait ça sur la planète. C'était nos alliés, nos amis, nos fournisseurs et nos alliés. Alors, le grand arc défensif que vous voyez dans les livres d'histoire du Canada, qui part de l'Acadie, qui passe par la vallée du Saint-Laurent, l'Ohio, les Grands Lacs, le Mississippi, jusqu'en Louisiane, c'est pas vrai. Les Français n'occupaient que la Nouvelle-France et la Louisiane. C'était un arc défensif avec nos alliés. Au centre, c'était des Amérindiens. Et comme le vrai conflit en Amérique du Nord, c'était la population anglaise qui se multipliait très rapidement, puis qui essayait de passer, on le voit ici, là, sur la carte, ils essayaient de passer les Appalaches pour aller conquérir l'Ouest, parce qu'ils faisaient énormément d'enfants, la population doublait tous les 25 ans. Alors, le vrai conflit était ce groupe-là qui avançait vers l'Ouest et les Amérindiens qui étaient de l'autre côté des Appalaches, qui ne voulaient pas qu'ils passent. Alors, ils se sont fait allier avec nous, et on leur fournissait les armes, puis eux gardaient... Le grand arc défensif là, dont on parle, là, c'était simplement une coalition franco-québéco-amérindienne. Et nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on sortait par les deux sorties, de la Nouvelle-Orléans et du fleuve Saint-Laurent, les produits qu'on prenait au Canada, en Amérique du Nord, puis on retournait par les mêmes voies des produits qui allaient jusqu'au fond, très, très loin en Amérique du Nord, là. Bien avant qu'ils nous voient, ils achetaient déjà des produits européens. Évidemment, c'était une coalition faible. parce que quand la guerre a commencé, en tout cas, on était à peu près à 60-70 000 quand la guerre de 7 ans a commencé. Et pire que ça, nos alliés amérindiens étaient en effondrement démographique. Alors, on était en position de faiblesse, alors que les Anglais de la Nouvelle-Angleterre, eux, étaient en pleine croissance démographique. Alors, c'était couru. À un moment donné, on allait perdre une guerre. Et les Anglais, qui étaient beaucoup moins peuplés que la France, ont décidé, on va jouer tout, c'est William Pitt qui a décidé ça, on joue tout en Amérique du Nord, où on a l'avantage numérique, puis on tient les océans. La Grande-Bretagne est une puissance océanique, alors que la France est une puissance continentale. Alors, ils ont mis le paquet. Puis, évidemment, ils ont conquis l'Amérique du Nord. Vas-y. Les Anglais, c'est un peuple commercial. Alors, nous aussi, on est un peuple commercial. Alors, ils nous ont envahis. Ils ont gagné la guerre de 7 ans contre la France, puis ils ont gagné ici. Puis là, la France, en 1763, ils ont dit, OK, au traité de Paris, on laisse tomber, là, ça coûte trop cher défendre la Nouvelle-France. Il y avait tout le temps des guerres, des bateaux, il fallait faire des forteresses. Louisbourg coûtait très cher, etc. Alors, les Anglais ont pris le contrôle de la Nouvelle-France. Puis là, ils ont expulsé nos élites. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 4-5 000 des classes supérieures qui sont reparties en France parce que les Anglais ont pris les meilleurs postes. Ils ont occupé Château Ramsay. Ils ont pris toute la traite des fourrures. Alors, nos élites n'avaient plus rien à faire ici. Ils ont foutu le camp. Puis là, c'est eux, c'est les Canadiens anglais. C'est les Anglais, en fait. C'est les Anglais d'Angleterre qui ont fait de nous un peuple de fermiers. Parce que si vous décapitez un peuple, les évêques, les généraux, les commerçants, les capitaines de bateaux, tous les gens instruits foutent le camp parce que c'est les Anglais qui prennent leur place pour faire l'argent. On s'est retrouvé avec une population de fermiers et les élites qui pouvaient vivre d'une population de fermiers. Alors, moi, je dis souvent, c'était des prêtres s'occuper des âmes, des médecins pour s'occuper des corps, puis des notaires, puis des avocats pour s'occuper des querelles, là, où est ma clôture, où est ta clôture. Eux autres pouvaient vivre la population. Puis ça a fait, l'Église catholique, qui a perdu ses élites, elle aussi. Il restait, je pense, c'est 69 prêtres, en 1763, quand tout le monde a foutu le camp. Bien là, ils ont pris le contrôle du Québec, puis c'est là que... Fait que c'est pas l'Église catholique qui nous a mis dans cette situation-là, c'est les Anglais, en nous envahissant, qui nous ont mis dans cette mauvaise situation. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que le pays naturel dont je parle, on l'avait tout équipé. Tout avait été payé par nous. Les routes avaient été faites, on avait tout exploré le territoire, on avait fait les alliances indiennes, les Anglais ont simplement remplacé les francophones. Fais y aller. Et là, comme ils avaient gagné, puis qu'on avait été tassés dans les terres, les Anglais ont dit, bien là, ils voulaient aller vers l'ouest, je l'ai dit tantôt, ils essayaient d'être en même temps que les Américains, aller jusqu'en Colombie-Britannique, puis fermer tout ça. Alors là, le Canada s'est développé dans un sens S-Ouest, mais contre la géographie qui est de sens Nord-Sud, comme je l'ai montré tantôt. Alors, les Anglais ont dit, bien là, il faut faire payer. Hein? Ils avaient fait cette erreur-là en passant avec les Américains, ils voulaient leur faire payer la guerre de 7 ans. C'est ça qui a déclenché la Révolution américaine. Il faudrait mieux dire que c'était le prétexte de la Révolution américaine. La vraie raison, c'est parce que les Américains voulaient aller à l'Ouest, puis les Anglais ne l'avaient pas compris. Ils ont voulu les bloquer, puis là, les Américains, on les a jetés dehors. Alors, comme ils avaient gagné, puis nous, on n'avait plus d'élite, on était seulement 60 000, sans chef, perdu la France, les Amérindiens avaient complètement... Les Amérindiens ont été balayés. Nous, on a gardé le Québec. Les Amérindiens ont été balayés, ont tout perdu. Leur terre, leur honneur... les traités, tout ça, ils les mettaient dans des réserves, ils ont tassé. Et là, l'Angleterre a décidé, bien là, il faut aller vers l'Ouest. Qui va payer? Bien, les habitants du Canada. C'est leur pays qui paye pour leur développement. C'était qui les habitants du Canada? Bien, ça a commencé par être nous, à 90 %, puis on est tombé à 70 %, à mesure que ça se peuplait. Alors, tous les développements qui se faisaient vers l'Ouest, nous, on avait tout payé au Québec, là, 100 %. Tout avait été construit, puis c'est facile, ça ne coûtait pas cher. Puis à mesure qu'ils se dirigeaient vers l'Ouest, ils nous faisaient payer les chemins de fer. Il n'y avait personne. Ils faisaient payer la population québécoise, entre autres. Puis à mesure que les Canadiens anglais sont devenus plus nombreux, ils ont payé leur part. Mais nous, on a payé un paquet de trucs en Ontario, et surtout dans l'Ouest, quand il n'y avait personne, puis des choses dont on n'a jamais profité. On n'a rien à voir, nous, avec le Manitoba, l'Alberta. On n'a pas d'affaire là. Des territoires du Nord, au Nord du Canada, on n'a rien à voir là, nous. Mais ils nous l'ont fait payer. Alors, ça, c'est quand on était 90 % de la population, 70, 50, 30, 25 %. On a payé une grande partie des infrastructures du Canada de l'Ouest. Évidemment, quand vous faites un truc de même, ça déclenche une révolte, tôt ou tard. Il y a eu la révolte de 1837-1838. Puis là, bon, on s'est fait planter parce qu'on était divisé, on n'avait pas d'élite, on n'avait pas d'armes, l'Église catholique était contre ça. Il y avait une entente avec les Anglais. Alors là, on a mangé une volée. Puis là, la reine Victoria, qui venait de prendre le pouvoir, a envoyé, je crois que c'est son cousin, Lord Durham, au Québec, bien, au Canada, pour étudier c'est quoi la révolte qu'il y a. Puis Lord Durham, il est venu, il a fait son rapport. Ah, il dit, le problème, il dit, parce qu'il y a une vieille population, elle avait 150 ans. C'est une vieille population, 200 ans. Une vieille population française qui occupe les deux rives du Saint-Laurent, c'est eux qui font le problème. Alors, la solution, c'est de les détruire. Alors, pour les détruire, on va simplement faire disparaître le Québec. Alors, ce qu'il a proposé, lui, il dit, faites disparaître le Bas-Canada. Les gens ne le savent pas, mais de 1841 à peu près jusqu'en 1867, le Québec, le Bas-Canada n'existait plus. C'était juste le Canada uni. Les Anglais étaient majoritaires, puis ils commandaient tout, puis ils prenaient tout pour eux. Ils prenaient tous les meilleurs jobs, puis ils nous tassaient parce qu'on occupait les deux rives du Saint-Laurent. Alors, le résultat de ça, c'est que nos élites, on avait commencé à développer des élites, ils ont dit, on va tout saboter. Donc là, ils sabotaient tout, ils allaient, parce que c'était quand même une démocratie, l'Angleterre, fait quand même pas. Fait qu'il y avait un gouvernement représentatif, puis ils bloquaient tout. Ah, faites pas ça, puis ils gagnaient du temps. Ah, les Anglais ont dit, ah, c'est le bordel, ça n'a pas marché, notre truc, là. Ils veulent pas disparaître, on était catholiques, à l'époque, c'était très important, plus important que la langue. On voulait absolument pas obéir à des Anglais, puis à la reine d'Angleterre, qui était la chef de l'Église d'Angleterre. Alors, ils ont dit, OK, on va laisser tomber. Fait qu'en 1867, ils ont dit, OK, on a perdu. On va recréer la Nouvelle-France, c'est-à-dire le Québec. Puis là, ils ont créé... excusez-moi, j'ai oublié de vous demander. Alors là, ils ont dit, là, on va créer le Canada. Alors, ils se sont arrangés entre eux, pas eu de référendum, ils ont fait ça entre eux, des petits copains, là. Puis ils ont dit, le problème des Québécois, c'est qu'ils ne veulent pas être dominés par des Anglais. Alors, c'est simple, on va donner le contrôle de ce qui concerne la population à un gouvernement qui va être à Québec. Gouvernement québécois, fait que les Québécois vont être contrôlés par les Québécois. Puis pour contrôler le Québec, lorsqu'on était rendu 40 % de la population, quelque chose comme ça, ils ont dit on va simplement créer trois provinces anglaises, trois contre un, plus le gouvernement fédéral. Chose intéressante, pour éviter que le Québec puisse profiter des investissements faits pour la capitale fédérale, ils ont dans un pays grand comme l'Europe, ils ont construit Ottawa à 1 mm à l'extérieur du Québec. Pas bien compliqué, là, c'est que tout l'argent que les Québécois payaient pour développer la capitale nationale générait des revenus pour l'Ontario. Et c'était ça, l'idée. Ils ont également, puis ça, c'est le plus important, ils ont dit, tout ce qui passe à travers la vallée du Saint-Laurent, qui vaut de l'or, je l'ai dit tantôt, ça appartient au gouvernement fédéral. C'est l'intérêt supérieur du Canada. Puis là, c'est le gouvernement fédéral qui décide. Autrement dit, le Canada anglais décidait de passer gratuitement à travers notre territoire. Ça, je l'ai parti. Oui, ça, je l'ai montré. Parfait. Si vous voulez changer, s'il vous plaît. Alors, nous, les Québécois, au 19e siècle, ben, là, on commençait à être très nombreux. On était 1 million, quelque chose. Alors là, nos élites ont dit, ben là, il faut commencer à se développer de façon autonome, là, parce que là, c'est clair qu'ils nous mangent la laine sur le dos. On était méprisés, écrasés, puis ils nous empêchaient de passer toutes sortes de petits trucs, là, la connaissance de la langue anglaise, le serment du test, bon. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est que, instinctivement, les Québécois ont commencé à développer l'axe nord-sud. Alors, le curé Labelle était des pays d'en haut. Au lieu d'envoyer il ne voulait pas que les Canadiens s'en aillent aux États-Unis. Alors, plutôt que de les envoyer dans l'ouest du Canada, il y avait beaucoup de terres disponibles, il a dit non, on va aller dans le nord. C'est instinctif. Après, on a développé l'Abitibi, puis après, on a développé la baie James, puis après, c'est le plan nord. Cet axe nord-sud, c'est un axe qui respecte les axes nord-sud du continent nord-américain. C'est un axe naturel. Ce qui fait que, de nos jours, 70 % des exportations du Québec passent dans l'axe nord-sud et par la vallée de la Richelieu puis de l'Hudson qui mène jusqu'à New York. Une belle vallée plate, même principe géopolitique, bas, en ligne droite. Alors, Montréal est très, très bien situé. Et si vous ajoutez à 70 % de nos exportations vers les États-Unis, tout ce qu'on exporte à l'étranger, il ne reste plus grand-chose pour l'axe S-Ouest du Canada anglais. Alors, le Canada anglais s'est développé dans un sens S-Ouest, puis nous, on suit de plus en plus la géopolitique du continent, qui est de sens Nord-Sud, et on exporte surtout aux États-Unis. Ce qui est intéressant, c'est que l'axe Nord-Sud est carrément inverse de l'axe S-Ouest. Bon. Attendez. Oui, s'il vous plaît. Alors maintenant, on se retrouve avec la situation actuelle, où l'Ontario est complètement enclavé. Enclavé, ça veut dire qu'il n'a pas d'accès direct, autonome, à l'océan. Ça, c'est très important au niveau géopolitique, parce que, comme je disais tantôt, on ne monte pas une côte pour rien. Le Québec a une sortie autonome de trois côtés, vers l'océan Atlantique par le golfe du Saint-Laurent, comme j'ai dit, par la Richelieu jusqu'aux États-Unis. Puis on a également, là, j'en ai parlé tantôt, on peut passer par la rive sud des Grands Lacs pour se rendre dans l'ouest américain. Alors ça, c'est quelque chose de très important, s'il vous plaît. Les villes au Québec sont également des villes stratégiques naturelles. Montréal est à une croix de route très importante, fin de la navigabilité du fleuve, accès par la Richelieu au marché américain. Québec veut dire rétrécissement de fleuve en Algonquin, c'est encore une ville stratégique. Vous avez également Trois-Rivières, qui est à la jonction du fleuve Saint-Laurent et de la Saint-Maurice, qui monte jusqu'au réservoir Gouin, c'est tout le bois qui descendait. Trois-Rivières, c'est une ville de bois. Saguenay est au bout de la rivière Saguenay. Fait que nous autres, on a des villes, c'est un pays naturel avec des villes stratégiques naturelles. Bon, s'il vous plaît. Donc, Montréal, vous avez ici la croix stratégique dont je parlais tantôt. Tout converge vers Montréal parce que vous avez les Appalaches au sud puis les Laurentides au nord. Alors, la meilleure façon, la plus économique, c'est de passer par la vallée du Saint-Laurent. Puis c'est pour ça que les Français sont venus ici et c'est pour ça que les Anglais nous ont attaqués à coups de canon pour nous prendre ce territoire-là qui valait de l'or. S'il vous plaît. Maintenant, il se passe quelque chose de bizarre. Montréal est une ville pauvre. Le Québec, c'est la province la plus pauvre du Canada en termes de revenus autonomes par habitant. Alors que Toronto est riche. Si vous allez à Toronto, là, vous avez la tour du CN, puis le stade des Blue Jays, des beaux buildings rutilants, c'est beau, beau. Mais qu'est-ce qu'il y a sur la rive nord du lac Ontario? Est-ce qu'il y a des diamants, de l'or, de l'argent, du pétrole? Rien. C'est curieux parce que tout le sud de les villes qui sont sur la rive sud des Grands Lacs sont tous en problème grave. On parle de Chicago, qui est la ville qui s'appauvrit, qui se vide de sa population le plus rapidement aux États-Unis. Détroit, ils veulent détruire le quart de la ville. Cleveland, c'est une poubelle. Buffalo, ça fait très longtemps qu'ils ont des problèmes. Milwaukee. Alors, au sud des Grands Lacs, ça va mal partout. Ils appellent ça « the Rust Belt », la ceinture de rouille que les usines sont en train de fermer. Puis Toronto, sur la rive nord du lac Ontario, elle prospère, 60 000 immigrants par année, c'est riche. Qu'est-ce qui se passe? Bien, ça, c'est pas très, très compliqué à comprendre. C'est que... Ah, puis une autre chose importante, c'est qu'un pays enclavé, ça, c'est une loi en géopolitique, un pays enclavé, c'est ordinairement moins riche, moins peuplé, moins développé que le pays voisin qui a un accès direct à l'océan. Le Québec a un accès direct à l'océan à partir de Saguenay, à partir de Montréal. C'est un pays commercial. C'est nous qui sommes pauvres. L'Ontario est un... et le Toronto, ce qu'on appelle la péninsule ontarienne, c'est une zone riche entourée de pauvres. Montréal, c'est une ville pauvre entourée de riches. Il y a quelque chose qui ne va pas. Hein? Quelle peut être la raison? Eh bien, la raison est très simple, elle est historique. Il y a eu un détournement par la violence en 1763. Le système a été mis en place par des voleurs qui sont entrés ici à coups de canon pour nous voler, puis qui ont ensuite installé un système, puis ils l'ont transmis d'arrière-grand-père à grand-père, à père, à fils, à petit-fils, à arrière-petit-fils jusqu'à aujourd'hui. Alors, j'ai parlé tantôt à Ottawa, il y a un gouvernement de trop qui fait en double tout ce que le gouvernement du Québec fait. C'est un gouvernement de trop, coûte très cher, puis qui est situé à un millimètre à l'extérieur du Québec. Ils ont déplacé une foule d'industries du Québec. Toute notre industrie, pas toute, mais une grande partie de notre industrie tertiaire a été déménagée en Ontario. La bourse de Montréal est rendue en Ontario, avec tous les produits dérivés, tout, ils ont tout amené là-bas. Les gens me disent, ben oui, mais Québec indépendant, il ne sera pas capable de mettre une bourse de Montréal à Montréal. Ah oui? Puis comment le Canada fait pour avoir une bourse canadienne à Toronto? Quand on est souverain, quand on est indépendant, on dit, hey, c'est mon économie, tu ramènes tes usines ici. Et on donne les jobs à 91% aux francophones, parce que c'est leur pays. Il y a 9% d'anglophones, on donne 91%. On ne ramène pas les gars qui gagnent 150 000 puis 200 000 à Toronto. Alors, ils ont envoyé la bourse de Montréal à Toronto. Nos vols internationaux sont rendus à Toronto. Les entrepôts de grandes entreprises sont à Toronto. Les sièges sociaux, tout le monde le sait, ça a déménagé. Quand ils ont construit, puis j'ai dit tantôt, ils nous faisaient payer toutes les infrastructures. Ils nous ont fait payer le quart de la voie maritime en 1959. On ne voulait pas. Je fais, non, si vous faites ça, les usines vont foutre le camp. C'est effectivement ce qui est arrivé. 1959, l'ouverture de la voie maritime du Saint-Laurent, c'est l'année où Montréal a commencé à piquer du nez, puis où Toronto est parti en flèche vers le haut. Ils nous ont fait, puis les usines, les élévateurs à grains ont foutu le camp de Montréal, ils ont été à Thunder Bay. Les usines ont commencé à se déplacer vers l'Ontario. Ils ont déplacé l'usine de Boisbriand. Ils l'ont déplacé à Oshawa. Là, ils vont la perdre, mais ça, c'est autre chose. Mais il y a eu un déplacement systématique de nous sucer le sang. Et Ottawa, un millimètre à l'extérieur du Québec, c'est systématique. Alors, et tout ça, ça s'est fait contre la géographie. Quand vous allez dans un sens inverse de la géographie, vous remontez à cause. Ça n'allait à rien, hein, 69 mètres entre l'Ontario puis le lac Ontario. Puis mais c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Il passe l'équivalent de 100 000 voitures chaque jour par la vallée de la voie maritime entre Montréal et le lac Ontario. 100 000 voitures d'une tonne par jour. Ça coûte cher monter de 69 mètres. Et c'est en géopolitique, c'est toute l'accumulation des petits profits qui fait que vous devenez riche. Parce que vous accumulez des petits profits, une cinquantaine ici, une pièce là, 1000, 50, 75, continuellement, à un moment donné, ben, ça fait des milliards. Alors, quand vous faites ça contre la géographie, en déplaçant les usines, en déplaçant toute l'industrie tertiaire de notre économie en Ontario, ben, vous obtenez le système bizarre que sur la rive nord du lac Ontario, il n'y a absolument rien, il n'y a pas de pétrole, il n'y a rien. C'est une ville, là, des beaux buildings. J'ai vécu là. Toutes des beaux buildings. Vous allez à Détroit, c'est des poubelles. Fait, comment ça se fait? Bon, ça, c'est du vol. Puis, ils ne s'en rendent pas compte parce que ça a été fait par leurs ancêtres et transmis par un système. Moi, je dis souvent, le problème, c'est pas l'anglais. Le problème, c'est pas les anglophones. Le problème, c'est le système. Changer. Moi, je dis, c'est pas les anglophones, j'en ai connu beaucoup au Canada anglais. Puis ils sont vraiment devenus le gentil peuple qui pense. Mais quand je leur expliquais qu'ils volaient le Québec, ben, on vous a joué un tour. On vous a joué un tour, mais on est resté pauvres. On est resté pauvres. Mais ça, c'est les êtres humains. Les êtres humains, ils ont des intérêts. Quand les intérêts sont en jeu, ben, pas nos jobs. Fait que c'est ça qu'ils font. Fait que quand ils nous font des promesses la veille des référendums, on parlait de Trudeau, qui est venu deux semaines avant le référendum de 80, on ne laissera pas le Canada anglais penser que tout est comme avant, on vous promet des chambres, on est au siège en jeu pour avoir des... Votez non, ça va être un oui. Il fait l'inverse. Bon, ça, c'est des cochonneries. Ils ont fait ça à la conscription, à la Première Guerre mondiale, à la Deuxième Guerre. Ils font tout le temps des cochonneries comme ça. Bon, alors, c'est des détournements qui ont créé ça. Maintenant, s'il vous plaît, ils avaient également les Anglo-Québécois, qui ont hérité de leurs ancêtres, le fait qu'ils ont pris le contrôle de toute notre économie. Ça, c'est vraiment fou, là. Les anglophones au Québec, ils représentent à peu près 8,5 % de la population. Pour vous donner un exemple, ils reçoivent, je parle au Québec, là, je parle pas au Canada, je parle au Québec, ils reçoivent de mes taxes 45 % des budgets pour la gérance de leurs trois universités au Québec. Ils ont... Des 43 universités... Là, j'étais en 2011, ça n'a pas changé beaucoup depuis. Là, j'ai fait l'analyse en 2011. Alors, regardez les noms des dirigeants, c'est des anglophones. Ce n'est pas des Nguyennes, il y en a. Il y a quelques Juifs, on voit ça, là. Il y a même un francophone. Mais ça reste des Anglais-Anglais, là. Ils servent de la masse pour s'enrichir, puis ils ont, c'est le système qui les a favorisés. Puis ils se sont passés ça derrière grand-père à grand-père, ça j'explique. Une autre chose, le gouvernement fédéral lui-même nous dit... qu'on a 22 % de la population et qu'on a seulement que 18 % de la richesse du Canada. Bien là, il y a quelque chose qui ne va pas, là, parce que c'est nous autres qui avons le territoire essentiel. Le Québec, c'est la seule province essentielle du Canada. Tout passe par ici. Puis là, on parle à partir des Rocheuses. Ils veulent faire passer le pipeline Énergie Est à Montréal. Le pipeline Énergie Est est beaucoup plus gros que Keystone XL ou celui qui va passer Northern Gateway en Colombie-Britannique. Pourquoi? Parce que c'est plat, ça descend, c'est facile, il n'y a pas de pont. Quand vous passez les Rocheuses, il faut mettre des usines de pompage. Ça coûte très cher. Je préfère passer par le Québec, c'est gratuit. Puis là, la Colombie-Britannique, ils veulent des droits de passage. Bon. Alors, la seule chose que je voulais vous dire, c'est que il y a une loi en politique. Quand vous êtes faible, vous êtes pauvre. Quand vous êtes puissant, vous êtes riche. C'est une loi. Alors, le Québec actuel est faible, il est pauvre. La province la plus pauvre du Canada, malgré son territoire stratégique. Le Canada est puissant, il est riche. Et moi, je ne connais pas beaucoup d'exemples, à part de Gandhi, là. Je ne connais pas beaucoup d'exemples de quelqu'un qui est puissant, qui est pauvre. Quand on est puissant, on s'enrichit, puis on dit « tassez-vous, hein, c'est moi le puissant ». Bon. Eh bien, ça, c'est vraiment étrange. C'est ça. Attends, non, ça ne va pas tout de suite. Alors maintenant, puis là, c'est très important ce que je vais dire, parce que il y a de la propagande qui a été déversée par plein tombereau sur les Québécois depuis 256 ans. On est des racistes, des nazis. C'est eux autres, les voleurs. Pas nous, c'est eux qui ont volé. C'est eux qui ont créé un système qui nous dépouille, alors qu'on a un territoire. Alors moi, ce que je veux dire maintenant, c'est pas du radicalisme, c'est pas de l'extrémisme, c'est pas une bombe atomique ou un génocide, c'est agir normalement, agir moralement, agir justement, comme font tous les autres peuples du monde, à travers l'histoire et dans le monde actuel. C'est pas du radicalisme. Ce qu'il faut faire, c'est agir normalement. Il faut rétablir, avec l'indépendance, le flot normal d'écoulement de la richesse qui n'est pas censé passer de l'est du Québec vers l'Ontario, est-ouest, mais qui est censé couler de l'ouest vers l'est, comme partout ailleurs sur la planète. On va profiter également de l'entonnoir. J'ai parlé de l'entonnoir qui se dirige vers Montréal. Tout arrive à Montréal. Alors, est-ce qu'on a oublié de sauter des pages? Oui, on a oublié d'en sauter une. Excuse-moi, le Mac est en train de se poser. J'ai presque fini. Il faudrait. On a oublié d'avancer la feuille. Vas-y donc. Bon, c'était ça. C'est ça que je voulais montrer tantôt. Non, c'est correct pour l'instant. Ça va aller. J'ai presque fini. Alors, ce qu'il faut faire maintenant, c'est qu'il faut rétablir le flot normal, il faut agir comme un peuple normal. Et au canal de Suez,